frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Lave le Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Ma mère tremblante ne t'offre rien. La croix sanglante est mon seul bien. Séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et à toute heure, que chaque jour mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Voilà. J'aimerais vous dire encore ce soir que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. Qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il nous donne à réaliser la grâce qu'il est pour nous. Le bonheur parfait qu'il est pour nous. Amen. Notre précieux trésor. Amen. Lui, il s'est fait trésor pour nous. Amen. Il s'est fait joie pour nous. Amen. Il s'est fait santé pour nous. Il s'est fait force pour nous. Amen. Il s'est fait trésor pour nous. Nous sommes heureux comme ça à cause de lui. S'il n'était pas, nous ne pouvons l'être. Si nous avons un peu de repos dans notre chair aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur Jésus. C'est à cause de lui. Je ne sais pas si nous le réalisons. Je ne sais pas si nous le réalisons. S'il n'avait pas dit ne vous inquiétez de rien, c'est que qui de lui-même peut ne pas s'inquiéter? Quelqu'un peut rester comme s'il ne s'inquiète pas, s'il n'a pas sur quoi il s'appuie. Vous voyez que c'est une grâce excellente. Une grâce énorme de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit. Amen. Amen. Lui, même si on n'arrive pas à admettre ça nous soulage. Ça nous soulage. ça nous soulage. Mais c'est nous qui n'avons pas compris toutes les grâces et les richesses que le Seigneur est pour nous. C'est pourquoi nous faisons ces choses avec négligence. Mais souvenez-vous. Vous savez, quand vous avez faim, on vous donne un plat de menu. Ça l'est. Vous ne pouvez même pas dire merci avec joie à la personne qui a cuisiné ça. Laissez ça quitte de votre main, ça se verse dans la boue. À l'heure là, vous allez comprendre que vous avez perdu quelque chose de précieux que vous ne pouvez pas récupérer. Mais à quel moment? Vous allez seulement subir. Alors ne faisons pas à ce que la preuve suffisante. Les Juifs avaient leurs grands yeux. Ils pouvaient se moquer des autres. Donc vous nous tentez. On porte l'âge de l'Alliance, on vient. Chacun savait ce que l'âge de l'Alliance faisait. Ils n'ont pas conservé ce précieux trésor qui s'est donné à eux. Quand il s'est décliné, il a dit juste à ce que vous dites Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Il va venir. Tout ce qui se passe là-bas, il voit, il entend, mais il ne dit rien parce qu'il s'est tourné. De même aujourd'hui, nous nous glorifions à cause de lui. Et on n'est pas attentif, on ne le considère pas. Il ne dit rien. De même quand il va se retourner, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, ne le fera plus revenir. Comme je l'ai dit, si nous avançons avec le Seigneur, ne permettons à rien de venir nous séparer de lui. Parce que si on le perd, pour le retrouver, peu sont ceux qui peuvent le retrouver. Et très peu est la grâce permet de le retrouver. La preuve est suffisante, Apocalypse 3, 14 à la Odyssée, il dit tranquillement. Quand l'église là, il dit payer le prix. Je te conseille d'acheter, du moins achète. L'église est prête. Elle va, avec quoi tu vas acheter? Pourtant, il dit que c'est celui qui se tient au milieu des sept chandeliers d'or. On a mis Dieu. Maintenant, le voilà qu'on soupire. Seigneur, reviens. Seigneur, regardez. Regardez comment c'est difficile. Imaginez qu'il est dans votre maison, vous le mettez Dieu. Vous pouvez le convaincre de revenir. Ça va demander trop. Donc, ne faisons pas ça. Je voulais dire quoi? Il est fixé que dès 16h, le dimanche, nous pouvons commencer. Afin de rentrer vite et que chacun puisse se reposer et méditer par rapport à ce qu'il a entendu. Sans laisser les inquiétudes de demain, lundi, je vais faire comment, l'emploi du temps, je vais m'organiser. Mais c'est vous qui venez à 18h, 17h, 19h. Quand vous viendrez la prochaine fois, 16h on commence. On avance. Si vous venez à 16h30, il a dit qu'on arrête, on arrête. Donc vous entrez, vous allez rentrer. On vous dit que le Seigneur vous bénisse. Vous allez rentrer dans les salles. Donc faites tout, faisons tout. Dimanche à 16h, on avance. Et sachez que s'il y a deux, la preuve suffisante, les orations que les premiers ont eues, les derniers n'ont rien compris. Parce que l'arbre ne commence pas sur les branches en allant. La racine et le tronc ont été plantés. Les premiers ont reçu. Ils savent de quoi il est question. Les derniers ont répondu Amen. Si on pose la question, Amen sur quoi? Il ne peut pas expliquer. Alors c'est l'handicap. D'accord? Et je voudrais dire encore quelque chose que je remarque parmi nous. Il est difficile, oh mon Dieu, qu'un frère ou une sœur vienne poser son problème sur la table au milieu des saints et qu'on puisse résolver ça sur la place de Dieu. Est-ce que nous sommes une famille vraie? Non. Après le cantique. Parce que notre Seigneur a dit que si quelqu'un est dans la détresse, il prie. De même qu'on est dans la joie, on chante ensemble. Aussi dans la détresse, on prie ensemble. Quelqu'un vient dire, voici ce qui me fatigue. Nous devons lui mettre là et prier. Ça veut dire qu'on n'est pas vrai, n'est-ce pas? Faut que ça change, d'accord? Il faut que ça change, d'accord? Amen. Il faut que ça change. si quelqu'un a un problème qui lui dérange, quand mon dernier est au milieu du sang, et dans son corps, on voit appliquer, mettre le genou, implorer la grâce du Seigneur afin que Dieu nous soit favorable. Et qu'on se réjouisse ensemble, la prochaine fois, il viendra donner ce qui est malade, nous allons chanter des vrais cantiques. Des cantiques qui viennent du fond du cœur. D'accord? Encore un cantique. 44. Juste un cantique. Je donne donc un cantique. Ça chante quoi? Ils ont compris. J'ai vu un bon cas. 44. Oui. Il donne un cantique. J'ai vu un bon cantique. On a chanté à Dieu soit la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. J'ai vu un cantique qui me suit. Un bon cantique. Par rapport à ce qu'on a entendu, c'est la gloire au Seigneur. On va le chanter. Cantique sans baiser. Ça chante quoi? J'ai longtemps aimé sans Dieu. C'est bon pour chanter, chanter. Nous sommes à la page. Mon sauveur, Jésus, je m'abandonne, désormais et sans retour. Amen. Amen. Cantique, frère. Ton cantique, c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce. 233, chant de victoire. Cantique numéro 233, un chant de victoire. Cantique numéro 233, dans le chant de victoire. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Abondamment multiplié. Nous sommes liés ensemble, n'est-ce pas? Et nous chantons avec joie. Donc nous sommes ensemble. La jeune, notre bien-aimée sœur, donne un cantique à l'assemblée, on chante avec toi. La joie de la rappelle son nom en bas. La bien-aimée sœur Kelly, mm-hmm. Tu m'entends? Oui. Tu peux donner un cantique? Oui. Voilà, nous on t'écoute. D'accord, le temps de te laisser fouiller ton cantique pour trouver un, d'accord? Oui, ok. Ok. Merci beaucoup. Le frère Iba. Mon bien-aimé frère Iba. Il n'écoute pas. Il n'est pas. C'est. Mon bien-aimé frère Melchi. Melchi. Oui. On est. Oui, tu peux donner un cantique. Tu m'entends? Oui, j'entends. Un cantique. Oui. Madame. 222. Votre cantique, chant de victoire, regardez 222. Je tout ah j'ai un cantique. Allô. Oui allô. Frère Melchi on est ensemble. Frère Melchi. Qui a le cantique sur la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Trouvez la voix du Seigneur. La voix du Dieu, je crois que c'est 180. 180, je dis comme ça. 180. Numéro 180. Ah, vous parlez de. Oui, je veux que tout le monde. Tout le monde là où il y a des temps. C'est bon. C'est bon. Tout le monde vient, n'est-ce pas? Fais merger ensemble. Antoine, alors. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta voix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Même le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être. Endurer l'injure même du monde être déprisé jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus Seigneur te bénisse. Amen. Ma bien-aimée sœur Kelly, c'est déjà trouvé? Oui, vous m'avez. Vous me voyez? On entend ta voix, c'est déjà très bien. D'accord, amen. On t'écoute alors, quel cantique? Un cantique à Lingala, c'est pas grave. Un cantique de quoi? Lingala. Ah non, nous ne sommes pas les Lingaliens, on ne peut pas arriver là. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Après, tu vas nous apprendre ça. Un autre, okay. N'est-ce pas? Bon, on va donner un cantique en ton honneur, d'accord? Pour la gloire du Seigneur. Oui. Amen. Alors, j'en ai une. Oui. Je peux commencer? Oui. Okay. Alors, le titre? Je veux chanter pour Jésus parce que je n'ai pas de fascicule. Hein. Moi, je n'ai pas de fascicule là où il y a des cantiques. Ah, ok. Bon, j'ai dit, n'est-ce pas, on va entonner un cantique avec toi, d'accord? Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est pour toi qu'on chante ça, d'accord? Pour la gloire, amen, du Seigneur. Voilà. Dans les cieux et sur la terre. Il y a un cantique dans les cieux et sur la terre. Non, un, deux, et chante. Combien? 37 dans chant de victoire. Nous y sommes. Je ne la connais pas. Voilà, tu vas prendre là maintenant, d'accord? D'accord. Et okay. Puis tu vas suivre l'enseignement, tu vas apprendre. La prochaine fois, tu vas donner, d'accord? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh, porte loin de l'éternel, quel bon nom. ce monde de pareil à ce bonheur. On pipe encore quelqu'un. Frère Jobel. Hello. Frère Jobel. Oui, allô. Que le bonsoir. Seigneur te bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère. Un bon cantique, n'est-ce pas, frère Jobel? Je connais rien de ce cantique-là. D'accord. Aujourd'hui, le Seigneur permet que l'honneur soit de votre côté, d'accord? On entend un pour toi, n'est-ce pas? Ok. Ok. Donc, je peux choisir aléatoirement. Ah, voilà. 123, au jour heureux. D'accord. Numéro 123 dans Chant de Victoire, si vous avez des chants de victoire. Qui voulait proposer, justement? Si, je peux chanter une chanson qui n'est pas nécessairement dans la récurrence. Oui, nous on t'écoute, on va aussi apprendre ça avec toi, non? Ok. Voilà, tous les autres. Je peux chanter donc. D'accord, on t'écoute. D'accord. Nous sommes avec toi, on chante dans le cœur avec toi. D'accord. Allons-y. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. La gloire nous appartient. Ils en mêlent. Jésus, je veux jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Un ami de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai. À jamais. Amen. Emma. Amen. Tu vois, c'est déjà très bien, amen, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et gloire au Seigneur pour ce merveilleux cantique. Nous, on va aussi apprendre ça. Hein? Après, on va chanter ensemble, n'est-ce pas? Il y a un frère qu'il faut attraper aussi. Présentez-vous, le frère. Vous êtes où, là? Je suis là, frère. Voilà. Donne un cantique, mon bien-aimé frère. C'est le frère Iba. Non, le frère Trabi. Le frère Trabi, voilà. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée à toute ta maisonnée. Amen. Voilà, un cantique pour l'assemblée. Allons-y au 8 alors. Voilà, cantique numéro 8, chant de victoire. Chant de victoire. Vous dites ça. Amen. Mon frère bien-aimé, Antoine alors. Le nom de Jésus est si doux que Dieu désarma le courroux. Il nous appellera des boucles si le nom de Jésus. Je me ce nom dans le vas apprécier le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, n'est-ce pas? Amen. Voilà. L'autre frère, l'autre sœur, où? Les sœurs là se cachent. La sœur Gigi. La sœur Gigi est où? Bonsoir. Bonsoir. Que la grâce du Seigneur te soit abondamment multipliée. Amen. Voilà, on veut entendre ta voix dans les cantiques, n'est-ce pas? Pardon? Il faut donner un cantique. On a déjà donné le cantique que je voulais donner, le 8 là, je l'aime beaucoup. Donc, on peut chanter encore pour toi, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas bien chanter le cantique parce que j'ai pas le livre. Voilà, comment faire pour t'en donner un alors? Par le chanteur. Le nom. Non, chanter pour qu'elle comprenne. Je cherche les paroles. Tu vas trouver, d'accord? Dire au Saint-Esprit qui t'accorde de chanter et que le Seigneur Jésus t'accorde véritablement, d'accord? Amen. Désire tout simplement, il va te faire chanter, d'accord? Oui. Ok, on attrape une autre personne, n'est-ce pas? Oui, pas trop bien. Par là. Un cantique alors. Madame Trabi, je veux qu'on chante chanson 191. Attends. Donc 191. Oui. 191. Voilà. Les Congolais, ils appellent le 90-90. Ok.

Seigneur te bénisse, Madame Trabi, et toute ta maisonnée. Amen. La sœur, c'était la sœur. La sœur Gigi. J'ai trouvé mon cantique. Ah, voilà. Gloire au Seigneur. On t'écoute alors. Le cantique 167. 167. Avancez. Cantique numéro 167, chant de victoire. Joyeux service. Voilà. Elle est allée fouiller. C'est merveilleux. Elle a dit que ma voix va s'en faire sortir là. La sœur Gigi. C'est. On peut chanter. Oui, c'est toi qui entends alors. Oui, merci. Voilà. C'est mon joyeux service. C'est offert à Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir les frères ici. Bonsoir. Mais pourquoi nos frères là, ils s'assoient dehors? Il n'y a pas assez de place ici. Ah, c'est bien là-bas. Il y a encore d'autres dehors. Je crois que si vous essayez, il y a une place ici. Il faut vous avez mis les sacs sur la chaise, vous empêchez les gens de s'asseoir. Posez. La sœur Laetitia de Yaoundé au Cameroun, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à qui, la sœur Laetitia? Allô. Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu, bonsoir l'Assemblée des Sages. Bonsoir. Alors, bonsoir. La sœur Assetou Adara Abidjan en Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir, shalom, shalom à tous. Shalom. Nafisa Lachère de la France, bonsoir. Bonsoir, shalom, shalom à tous. Bon. Bonsoir. Donne-nous une raison valable pour laquelle on ne doit pas te voir. Le frère Jean-Paul d'Allemagne avec la sœur Flavie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Amen. Bonsoir. Toi de même. La sœur Marie-France Sophie, bonsoir, la Camerounaise, bonsoir. Bonsoir, le peuple de Dieu, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Stéphane, bonsoir. Le frère Étienne de l'Allemagne également, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On voit seulement ton image là comme le ministre des Finances du Cameroun. L'église de Rennes, elle vous dit bonsoir. Oui, mais on ne vous voit pas, au moins ta caméra, on ne vous voit pas là. Parce que tu vois pas. On voit toujours comment tu es frais comme bidon quad. Oui, le temps qu'il fixe sa caméra. Le frère Camille du Canada, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, la sœur Stéphanie n'est pas là. On ne vous voit pas non plus. Elle arrive, elle est sortie faire un tour. Bon, on va faire une petite chose. Je vais aussi vous dire bonsoir, vous allez voir. Ok. Bonsoir, la sœur Alice. Bonsoir. Bonsoir, soyez tous bénis. Mmh. Bonsoir. Ton mari est rentré du travail? Non, pas encore. Non, enfin, de toute façon, tu écoutes aussi pour lui, n'est-ce pas? Tout à fait. Le couple Travi de Belgique, bonsoir. Oui, bonsoir, les bien-aimés. Bonsoir. Amen. Amen. La sœur Kelly de France, bonsoir. Tu as fermé ton micro, ouvre ton micro, la sœur Kelly. Ah. Oui. La sœur Kelly, tu es où en France? Tu es dans quel département, de quel côté en France? Je suis dans l'île de France, plus précisément dans les Ulis, okay. Dans le département de l'Essonne. Donc dans quelques jours, on va se voir alors. À peine, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais tu pourras venir à Paris, amen. Non? Oui, bien sûr. Ok. Oui. On va te montrer comment on prépare le mbongo et le ndolé. Vraiment, hein, j'en ai besoin. Le frère Begenik de l'Allemagne, bonsoir. Bonsoir à tous, chers frères, soyez bénis. Bonsoir. Vous nous voyez, n'est-ce pas? Où est la sœur? Moi, je ne vois pas. Non, la caméra, frère. Ah, le frère Iba. Bonsoir, frère Iba. On ne vous voit bonsoir. Pas. Ouais. Vous allez savoir de quoi ce que ça veut dire d'être privé de l'image. Mais le frère Iba, depuis une heure, ta caméra, ça tourne là, ça ne vient pas. Je crois que la connexion pas bien du côté de la Côte d'Ivoire d'Abidjan. Ah bon, hein? Oui, donc on n'a pas ton image, on n'a pas l'image de frère Étienne. Pour Assetou Aïdara, c'est chaque fois, c'est connu d'office, c'est officiel qu'elle n'a pas de caméra. Suzanne Gore du côté de l'Espagne, c'est aussi sûr et certain qu'elle n'a pas de caméra. Ben, la sœur Suzanne Solange du Canada, elle n'a pas mis sa caméra. Bon, mettez les caméras dedans et vous allez voir l'assemblée. Je continue avec la salutation. La sœur Yankam Christiane de Wellham en Belgique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Amen. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. On sera avec toi, d'accord? Ne t'inquiète pas, on se verra, d'accord? J'y pense bien. On se verra. Le frère Joben du Maroc, Rabat, c'est ça? Tanger. À Tanger. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marie Bekombo. Bonsoir. Le garçon toujours calme. Bonsoir du côté de la Suisse. Oui, bonsoir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. La sœur Suzanne Clodon au Pays-Bas, bonsoir. La sœur Suzanne Clodon, ton micro est fermé, bonsoir. La sœur Louise Ngor de Madrid en Espagne, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu n'as pas de caméra, ça c'est. On voit seulement ton ancien habit sexy. La sœur Suzanne Solange de Canada, bonsoir. Est-ce qu'elle est connectée? Elle est là. Le frère Melchi et la sœur Gigi. J'espère que c'est la sœur Gigi ou c'est Gigi. C'est Gigi. Gigi. Je vais encore recevoir des coups de fil maintenant. La sœur Gigi, bonsoir. Et le frère Melchi, bonsoir. Bonsoir l'épouse de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc on ne vous voit pas non plus. Oh, non, mais on est visible dans notre caméra, je pense. Nous nous voyons nous-mêmes ici. Vous, ça veut dire que c'est la connexion n'est pas bonne de ce côté-là. Je crois qu'on a fait le tour de la table. La sœur Suzanne Clodon et la sœur, les deux Suzanne, on ne les entend pas. La sœur Carole Josiane Ngaha de Canada, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tous les bien-aimés au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. C'est quoi alors que ta caméra ne s'allume pas alors, la sœur, si? C'est allumé. Ah. Bon, c'est le Cameroun qui tue le caméra. Bon, ok. Vous allez voir les caméras de l'Assemblée. Donc, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Recevez au nom de toute l'Assemblée ici, au nom à mon nom propre, la chaleureuse bienvenue en cet autre jour gracieux que le Seigneur nous a accordé. Amen. Mmh. Amen. Mmh. Donc, quelqu'un a-t-il parmi vous un cantique qui voudrait chanter, une révélation, un songe, un rêve, une question, une exhortation, un enseignement? Non, vas-y, parce que là... Ah, c'est fort là maintenant. C'est qui? Aïdara, c'est tout. Eh bien, vous voyez, on est manipulé tous là. Le frère Camille, mets ta caméra. La soeur, le frère Melchi et Gigi, les caméras, Suzanne. Les Suzanne, les caméras. Laetitia, caméra. Oh, le frère, il tient également caméra. Oui, du côté de Rabat, allons-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Rabat, Tanger. Tanger. Oui, le frère Junior, je voulais juste savoir concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Est-ce que nous, on doit, parce que c'est écrit dedans, en fait, j'avais lu ça l'année passée, on a vu ce problème-là, parce que nous, on est ici au Maroc, et eux, avec leur fête de moutons et tout. Ils nous avaient donné la viande, mais on avait refusé de prendre. Oui. Et on avait discuté de ça avec un autre frère. Il nous avait dit qu'on n'a pas raison de refuser de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Et je voulais savoir si on peut ou ne pas manger ce genre de viande. En fait, selon le niveau du ciel où vous vous retrouvez, tu as raison ou le frère a raison. C'est ce que la Bible enseigne. Tu as suivi? J'ai pas bien compris. Selon le niveau du ciel où tu te trouves, tu as raison et ce même frère a raison. Selon le niveau du ciel où vous vous retrouvez. C'est ce que la Bible enseigne. Oui. D'accord? Oui. Voilà, je crois qu'il y a un enseignement sur Bamba et Balaba, les viandes sacrifiées aux idoles. Je crois que c'est bien expliqué là-bas. D'accord. Donc la prochaine fois, c'est comme tu as peur de manger, il faut sécher cela. Tu gardes cela, comme on va venir là-bas, tu nous gardes, tu me donnes ça. Je vais savoir en quoi faire, d'accord? La soeur Gigi. Ne mange pas, c'est pas bon, c'est aux idoles, d'accord, mais laisse-moi, je vais m'occuper de cela. Ok, c'est bien compris, la sœur Gigi? Oui, bien compris. Que Dieu te bénisse. Autre question, quelqu'un a-t-il une question quelque part? Donc, si pour plus d'exemples d'explications, essaie de regarder sur la chaîne Baba Iba, les viandes sacrifiées aux idoles, le chrétien avec les viandes sacrifiées, je crois. Frère Iba, c'est ça le titre, n'est-ce pas? C'est bien ça. En fait, ouais, c'est ça. Voilà. Oui, la sœur, c'est tout. Oui, j'ai fait un rêve l'avant-hier. Oui. J'ai vu que y a un des parmi mes enfants, il y a une qui est décédée, mais je n'ai pas bien vu le visage, mais je l'ai gardé pendant plusieurs jours. Mais au fait, après, je partais l'enterrer, je suis arrivé au cimetière. J'ai eu l'intention de mettre ma main sur son cœur, puis j'ai vu que son cœur battait sur le champ, elle s'est réveillée. Oui. Là, je suis allé encore faire pipi, je me suis réveillé, ça l'a encore fait pipi, je reviens, il fait le même son, je mets, c'est l'enfant d'une copine encore que j'ai réveillé, qui oui. était déjà mort, je ne comprends pas. Alors, ma soeur, à ce tour, ça veut dire clairement qu'il y a quelqu'un qui est présagé pour mourir aux côtés de toi. Bon. D'accord, donc après le rassemblement, on va causer, toi et moi on va causer, je vais te donner la direction, d'accord? Bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais parle-moi de la lecture de la Bible, pourquoi c'est difficile pour toi de lire la Bible constamment? Je ne sais pas pourquoi, mais je passe mon temps à écouter les prières. Ma soeur, et c'est ça, c'est valable pour chacun de nous tous, quel que soit ce que vous allez faire, pour que vos vies spirituelles, vous devez être basées sur le rocher. Vous ne pouvez pas continuer avec, même si vous priez n'importe quelle prière, vous devez vous résoudre à demeurer dans la parole. Souvenez-vous, et la Bible déclare dans Josué chapitre 1, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Le but de la méditation, c'est pour agir. Lorsque vous éloignez de la Bible, vous allez commencer à faire ce que la Bible ne dit pas sans vous en rendre compte même. D'accord, je crois qu'on va revenir sur le sujet des méditations, Dieu volant, pour qu'on entende les problèmes, pour vous comprendre l'importance. C'est pour ça que Satan fait tout et tout pour nous éloigner avec des travaux par-ci, des inquiétudes par-là, et on laisse l'essentiel. D'accord? Donc, là, c'est assez tôt, le Saint-Esprit t'invite de retourner dans les Écritures. Amen. Mmh. Ok. Ouais, Junior. Oui, ma soeur, félicité. J'ai lu la Bible et j'ai vu que quelque part, il est dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, qu'on n'est pas à jurer quelque part. Absolument. Mais il m'est arrivé dernièrement qu'au mariage de ma soeur, je devrais traduire pour elle. Oui. Donc, je devrais traduire pour elle en. C'était de français en néerlandais. Oui. Et on m'a dit de jurer fidèlement et j'ai oublié même que, bon, je ne sais pas. Donc, c'est après quand j'ai relu ce passage-là que j'ai eu du remords. Oui. Est-ce à dire que quand on arrive devant le tribunal ou bien là où où le monde veut nous faire jurer, oui, fidèlement, est-ce qu'on doit refuser? J'aime ce genre de questions parce que c'est là où ça confronte votre foi. Oui, justement, lorsqu'on arrive dans les tribunaux, il y a pour certains, on met le Coran, pour d'autres, on met la Bible, on dit, mets la main sur cette Bible-là et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Et si vous devez faire la profession, la vraie profession de votre foi, vous devez dire à ces juges-là, excellence ou n'importe quoi, ou votre honneur, tous les autres titres qu'on leur donne, vous leur dites, il est temps que vous acceptiez ma parole sans que je ne jure assis, parce que ce livre-là sur lequel vous mettez votre main et vous me dites de jurer, m'interdit de le faire parce que j'appartiens à ce livre-là. C'est sur la base de ce livre que vous devez lui dire que la Bible vous dit clairement que ce livre-là t'interdit justement parce que tu es habitant de la famille de ces Bibles-là qui vous interdit de le faire. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ils doivent accepter votre parole comme ça. Okay. Mais j'ai déjà fait avant de... Oui, mais quand tu as déjà fait, tu ne peux plus rien, tu peux plus rentrer corriger. La Bible déclare que mes petits-enfants, ils vous écrivent afin qu'on ne péchait point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Tout ce qui... Si tu t'es repenti, tu avances. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire par la suite. D'accord? Ok, merci frère. Voilà, mais il y a les chrétiens qui par réflexe disent, je te jure au nom de Dieu. Par réflexe. D'autres lèchent la tête et disent, hein, au nom de mon grand-père. D'autres soulèvent les pieds, mais là-bas que, hein. Donc, je crois que c'est les traditions. Et quoi qu'il c'est bon de dire cela, parce que la Bible nous dit clairement qu'on ne jure pas. Et là, c'est un autre style d'enseignement. Je crois que tout le monde, j'espère que vous tous allez m'écouter, parce qu'il veut dire quelque chose là maintenant. Lorsque vous lisez la Bible correctement, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, vous allez voir effectivement comment les gens bénissent Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand je dis souvent dans les enseignements en disant que vous ne devrez pas, vous ne pouvez pas bénir Dieu, les gens s'en vont dans l'Ancien Testament pour me dire effectivement qu'on peut bénir Dieu. Vous remarquez effectivement que voici l'une de ces choses-là où l'Ancien Testament dit clairement qu'on doit bénir, qu'on doit jurer au nom. C'est une recommandation même pour Israël où Dieu avait dit que tu jureras même pas son nom. tu jureras par l'Éternel. Mais le Nouveau Testament interdit clairement le chrétien de jurer ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu très haut, ni par la terre, parce que son marche pied, ni par la ville de Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ni par les cheveux, parce que tu ne peux rendre ni noir ni blanc les cheveux. Vous voyez effectivement, n'est-ce pas? Donc, dans un autre enseignement, je vais expliquer le pourquoi le chrétien ne doit pas dire « je bénis Dieu ». Vous n'avez pas autorité pour faire cela, lorsqu'on est dans cet accomplissement-ci. De la même façon, vous n'avez pas autorité pour juger, pour jurer au nom de Dieu. Alors, on est un peuple saint dont le oui doit être oui, effectivement, le non doit être non, parce que notre langue normalement est coordonnée par le Saint-Esprit qui ne doit pas mentir, en principe. N'est-ce pas si vous me suivez, frère? Si, on te suit bien, frère. Oui, mais en fait, tu l'as déjà dit même ailleurs que c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Oui, en fait, frère Eba, c'est même pas moi qui ai dit, c'est mon grand frère qui a dit cela dans le livre de Hébreux, chapitre 7. C'est bien cela. Oui, c'est écrit clairement là-bas, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et nous sommes des créatures, nous bénissons voilà. Le créateur. C'est quand même terrible pour cette génération-ci. Mais quand vous dites comme ça, quelqu'un va dans les psaumes, il dit, voici David qui bénit Dieu. Et là, vous allez dans ce même psaume, vous prenez là où David brise la tête des ennemis. Il va dire, non, Jésus, lui, il a dit qu'on ne brise pas la tête des ennemis. Vous voyez? Donc, il faut arranger la Bible et mettre chaque pièce de puzzle là où ça doit se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On rend gloire au nom du Seigneur. Où est le frère Camille? Il est où l'enseignant là? Allons-y dans le livre. Ouvrez la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Ouvrez Éphésiens chapitre 1 et puis vous ouvrez également le livre d'Hébreux. Vous ici à l'assemblée, bonsoir à vous. Bonsoir les soeurs. Bonsoir les frères. Bonsoir les enfants. Bon, les enfants et les enfants. Hébreux, j'ai dit Éphésiens chapitre 1. Vous y êtes, frère? Le frère Jean-Paul, tu es dans Éphésiens chapitre 1. Est-ce que le frère Jean-Paul est là? Bon, il est allé chercher le reste des bâtons de manioc. Qui est là? Le frère Bérénic, tu es là? Présent. Voilà, lis-nous le verset 3 du chapitre 1 d'Hébreux, d'Éphésiens. À haute voix, s'il te plaît, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les vies célestes en Christ. Voilà. Il dit béni soit Dieu, le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, Hébreux au chapitre 13. Hébreux, le chapitre 13. Versets 14, 15 et 16. Le frère Camille, tu peux lire. Ah, non, le frère Camille, tu as un style des Bibles là. Non, j'ai la bonne maintenant. Tu as la bonne maintenant. La sœur Stéphanie est déjà là. Où elle est là? J'ai une bonne arrivée. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue, ma chère. Assieds-toi confortablement, souffle aussi. Hébreux chapitre 13, le verset 14 et 15. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Oui. Au fond, donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres en confessant son nom. Oui. Vous avez vu, n'est-ce pas? Oui. Il y en a plein. Prenons Colossiens au chapitre 1. Ça, nous citons cela chaque fois. Donc, que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous, pour vous qui vous privez de ces heures-ci, pour écouter la parole, pour qu'on partage la parole. Vous tous qui êtes dans le monde entier. La sœur Suzanne, tu as ta Bible ouverte devant toi. La sœur Suzanne, les Suzanne là ne sont pas connectées. La sœur Louise Ngoye, j'espère que tu as la Bible devant toi et que tu regardes ce que nous lisons. Donc, alors, Colossiens chapitre 1, les versets 12 et 13. Qu'est-ce que ça dit? Remercie avec joie le Dieu. Elle est venue avec la version là. Elle est venue avec la version. Camille, toi, tu as enlevé. C'est la version que tu lui as donnée maintenant là. Ah oui, c'est moi qui ai venu, c'est vrai. Oui. C'est le français courant. Ouais, non, laisse le français. On parle le vrai français. La sœur Suzanne Solange, bonne arrivée. Merci, frère. Tu étais passé. Je suis là depuis. Hein. Mais on ne te voit pas, on ne t'entend pas. D'été, salut, tu as refusé de me dire bonsoir, on a un problème. Même l'assemblée a dit bonsoir, tu n'as pas répondu. Non, j'ai répondu, mais c'est comme s'il y avait un problème de son. Ah ben, j'ai dit que ton micro était fermé, bon, mais ta caméra également est fermée. Lis donc Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13 alors. Un instant. Que Dieu vraiment vous bénisse. Tu as dit Colossiens chapitre 1. Les versets 12 et 13. Ok. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous allez voir effectivement que vous ne verrez personne dans le Nouveau Testament qui va dire « Je bénis Dieu ». Vous ne verrez pas cela dans le Nouveau Testament. Vous allez voir le langage des gens qui va dire que par cette langue, si nous bénissons Dieu et par cette langue, si nous maudissons l'homme, fait à l'image de Dieu. Or, vous ne dites pas « Je te maudis » de votre lèvre. Les choses que vous dites montrent que vous en êtes de maudit quelqu'un. Quand vous mentez à quelqu'un. Alors, les choses que vous dites de Dieu montrent que vous allez le bénir. Il dit, rendez grâce à Dieu ici, dans Éphésiens chapitre 1, que nous avons lu verset 3. Il dit quoi? Dans Éphésiens, que nous avons lu le premier verset, le verset 3 de chapitre 1. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il veut que vous voyez le langage. Dans Éphésiens 1, verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ici, il dit, rendez grâce à Dieu. Le frère Trabi, tu as vu, n'est-ce pas? Oui, oui. Ces petites choses aussi, ça vise à changer le langage des chrétiens. Il faut que le langage des chrétiens, tout comme on doit s'habituer à ne plus dire, je m'en vais à l'église, parce que ça n'a pas de sens. Mon église est à tel endroit. Je suis chrétien de telle église. Notre pasteur et de notre église est comme ça. Il faut que ce langage-là change. Il faut vraiment le nettoyage là. Afin que nous ayons le langage biblique. Voilà. La sœur Flavie d'Allemagne, bonsoir. Bonsoir mon frère, je viens d'arriver. Oui, où est ton mari? Il est avec son fils. C'est ça. Bonne arrivée. Oui, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu ici pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la connexion et pour la lumière, parce que depuis le matin, nous n'avions pas la lumière ici. C'est ce qu'on a constaté tout à l'heure. Oui, c'est notre pays. Autre question, que Dieu vous bénisse. Installe-toi confortablement, tu es chez toi, nous sommes ensemble. Frère Julien, j'ai une question. Le frère Jobin reste là-bas comme le pape, comme ça il ne bouge pas. Quand il va sortir sa question, vous allez voir. Frère Julien, j'ai une question. La sœur Suzanne, oui, tu as la question. Pas... Oui, allons-y, Suzanne, oui. Solange. Bon, c'est... Ok, moi c'est au niveau du verset, du chapitre de Luc, chapitre 10, Luc 10, verset 40 à 42. Oui. Bonne quand question. Quand le Seigneur Jésus dit que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que tu peux expliquer ça, s'il te plaît? Parce que moi, je voudrais comprendre vraiment quelle était la bonne part de Marie par rapport à ce que Marie, sa soeur faisait, ce que Marthe faisait. Bonne question. Parce que Marthe, elle... Bon, okay. Bon, si je te montre cette bonne part-là, tu vas choisir la même chose, ma soeur? Moi, je m'attelle à cette bonne part. Voilà. C'est cette part-là que moi, je recherche. Ta soeur, à l'heure, on en avait parlé maintenant, ta soeur est où? Moi? Oui. Bon, moi, j'ai ma petite soeur qui est là à la cuisine, elle est en train de... Applaudissez pour le Seigneur. Voilà. Donc, voilà la réponse qui est claire. Voilà. D'accord, la réponse est claire, n'est-ce pas, le frère Camille? Oui. Voilà. Oui. Autre question? Frère Junior. Oui, le frère Beginning. Dans Genèse 6, il y a ce verset-là qui dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Voilà. Oui. Et pourtant, il y a également Nombre 23, 19, il dit que Dieu ne se repent pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Justement, donc, j'aimerais comprendre pourquoi cette contradiction. Donc. Bon. Pourquoi cette contradiction apparente, d'accord? Justement. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, le même mot, le mot hébreu qui est mis pour repentir là-bas, c'est le même mot qui est mis dans ce Genèse chapitre 6, verset 6 et 7, effectivement. Donc Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Ah, bon, je vais garder ta question, parce que si je vais développer là, il ne faut pas que je tire long, parce que c'est vraiment long, il faut développer tout au long avec le plan de Dieu, avec sa personnalité, d'accord? Il faut développer ça avec la personnalité de Dieu, la connaissance de la façon dont il agit. Donc je vais mettre au frais... ta question, le temps de prendre les autres questions tout autour pour voir quelle direction le Seigneur veut que nous prenions. Quelqu'un a-t-il une question, autre question? Garde bien cette question parce que c'est intéressant. C'est une autre question qui font les chrétiens ont les têtes dressées. Oui, oui, ma soeur Suzanne, ta soeur est revenue pour servir le Jésus. Elle est venue pour servir Jésus derrière. Non, elle est toujours dans ses activités. Elle n'est pas venue dédier que qu'est-ce qu'il y a à bavarder là-bas avec le frère Junior comme ça alors que moi je souffre à la cuisine seule. Bon, gloire au Seigneur. Bon, oui. J'ai une autre question, frère Junior. Oui. Ça, c'est dans 1 Samuel 3. Oui. Ça, c'est au moment où le fils Dieu appelle Samuel. Samuel, oui. Donc, Samuel, lui, pense que c'est... Élie qui l'appelait. C'est Élie qui l'appelle. Oui. Donc, il va vers Élie. Élie lui dit, non, c'est pas moi. Bon. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le Seigneur ne lui a pas parlé à l'instant, là? Parce qu'il a fallu que le prophète Élie lui dise que la prochaine fois, dis-lui, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Oui. Parle, ton serviteur écoute. C'est à ce moment que le Seigneur lui a parlé. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que il y a une sorte de préparation pour que le Seigneur nous parle ou bien d'initiation pour que le Seigneur puisse nous parler? Comment il a parlé à Joseph? Comment il a parlé à Joseph? Oui. Des visions. Ouais, des rêves, des visions. Est-ce qu'il est passé par une tierce personne pour parler à Joseph? Il parlait directement et Joseph venait dire ce qu'il a vu, n'est-ce pas? Oui. Comment il a parlé à Moïse? Par le buisson ardent. Comment il a parlé à Ézéchiel? Une vision. Oui, aussi une vision. Il a transporté, oui. À Ésaïe. Ésaïe, c'est aussi par des visions. À Paul. Pareil, pas des visions. À Joseph. Il s'est présenté aussi, oui. Oui, à Joseph, le mari de Marie. Pareil. Voilà. Oui. Alors, ça veut dire Dieu a des multiples façons de parler. Ou tu ne peux pas prendre le cas spécifique, c'est le cas pour un jeune enfant qui apprend à entendre la voix de Dieu, parce qu'il est encore jeune, comme dans ce livre de 1 Samuel chapitre 3 dit. Il n'était pas accoutumé à la... Parce qu'en réalité, en ce temps-là, la Bible déclare que dans ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Il ne se révélait pas. Dieu ne se révélait plus. Et par conséquent, personne n'était accoutumé à la voix de Dieu. D'accord? Ok. C'est ce qui est révélé d'accord. Dans ce livre-là. Merci. Voilà. Et là, il a compris, puisqu'il il sait que quand si quelqu'un appelle là-bas, il est seul avec Élie. Personne n'avait jamais eu à entendre la voix de Dieu depuis qu'il est né. Et alors, quand il entend la voix, c'est tout naturel. Il croit que c'est celui qui sert là-bas qui est en train de l'appeler. Oui. Donc, que Dieu te bénisse, ma soeur, pour cette question. Amen. Autre question, mes frères. Après, je vais tourner l'assemblée. Non, ne prends pas de questions, c'est parce qu'ils sont habitués. Ils ont tout ici. C'est ça, c'est pas ça. Oui, je n'ai une dernière question. C'est la sœur Jésus, oui. Frère Seigneur, en fait, c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais juste que tu me donnes un avis. C'est concernant les rêves sur l'épouvante paralysante. Je sais pas si tu as déjà une idée sur ça. C'est quoi, ma sœur? L'épouvante paralysante. Je dors, c'est le manga. L'oppression. C'est l'oppression. Ah oui, l'oppression. Il croit peut-être que tu parlais du pouvoir de manga là, non? Non. Non. Ok, ça veut dire qu'on te paralyse sur le lit, tu es conscient, mais tu ne peux pas bouger. Exactement. Oui, quelle est ta question, ma soeur? Avant de venir justement au Maroc, j'avais vu un homme de Dieu, un pasteur, il m'avait expliqué, il m'a dit que j'ai des problèmes spirituels. Cette présence-là vient pour m'empêcher de prier. Oui. Au Maroc. Bon, j'ai essayé de faire mes recherches personnelles, bien que je ne connaissais pas vraiment Dieu. J'ai essayé de chercher et j'ai vu que scientifiquement, ils ont expliqué ce problème. Ils ont dit que c'est dû à, comment, à une anomalie, genre en quelque sorte un dysfonctionnement de l'organisme. Oui. Et c'est dû aussi à l'alimentation comme ça. Et franchement, j'étais un peu bouleversée. Je ne savais plus vraiment qui... Allô? La soeur s'est coupée de son côté. Le temps qu'elle se connecte, on prend une question. Oui, c'est le frère Trabi. Oui, frère Trabi. Donc, priorité à la soeur Gigi. Si elle revient là, on lui donne la priorité, d'accord? Parce que sa connexion est coupée. Oui, oui, allons-y. J'ai fait une remarque. Oui. À chaque fois que je dois, quand je veux prier net, je baille d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu veux manger, tu bailles, mon frère? Non, non, non. Frère Trabi, on arrive, d'accord? Bientôt, on va se rencontrer. D'accord, frère Trabi? La Gigi est revenue. C'est Gigi? Ah, ok. Oui? Oui, oui, c'est pour ça. On vous a attendu. On t'attendait que tu reviennes. Tu parlais de cette paralysie et de la recherche personnelle que tu as faite. La science t'a dit que tu ne manges pas bien. Que mange bien le couscous algérien, ça va faire que tu ne sois plus paralysé. Dis-nous, et tu dis que tu es confuse. Maintenant. Oui. Dans le livre de Marc au chapitre 5, dans le livre de Marc au chapitre 5, il y a cette femme-là, cet homme-là qui était un fou, le fou de Gadaréné, qui était constamment dans le cimetière. On l'avait lié avec les chaînes, personne ne pouvait plus dompter et personne ne pouvait plus passer par là. La Bible déclare que quand le Seigneur Jésus passait par là, lorsqu'il a eu à fouler le pied, cette zone-là, ce fou-là est venu vers lui. Il a dit que Jésus, fils de David, fils de toi, je connais qui tu es, qui a-t-il entre toi, n'est-ce pas? Oui. Si ce fou-là, on l'amène dans la vie moderne, qu'est-ce qu'il peut faire pour ce fou-là? Le soigner, peut-être. En soignant, comment est-ce qu'il soigne? Voilà, bon, la psychologie. Donc, on va lui donner tranquille. Voilà, merci frère Ba. Docteur, j'oublie. Souvenons-nous, nous avons un docteur au milieu de nous, il sait exactement ce qu'on lui fait. On les attache les poignets au bout d'un lit, les autres poignets, les pieds également. Et puis on lui administre les sédatifs avec tout sorte de tranquillisants pour qu'il se calme un peu. N'est-ce pas, frère Iba? Tout à fait. Alors maintenant, je vous pose la question. Je suis en train de répondre à la question de la sœur Gigi. Si on met les tranquillisants dans son corps 400 000 ans, la Bible nous révèle, la Bible nous révèle qu'il y en avait 6 000 démons en elle. C'est la vraie ou faux? Ouais. Vrai. Alors, quelle est la quantité de tranquillisants qui puissent faire sortir un démon? Elle a assez, Gigi. Là, franchement, je ne saurais reprendre à cette question. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité de tranquillisants qui, à un moment donné, le démon va se fatiguer, va sortir, quoi? Non, je ne pense pas. Alors, ça veut dire clairement que si la science est en face d'un problème spirituel, la science est impuissante. Parce que les problèmes de l'âme ne se résolvent pas scientifiquement. L'être humain était incapable de résoudre le problème de l'âme que le Seigneur Jésus est venu. C'est pour ça qu'il a posé la question que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Il n'a pas parlé de sa chair. Pour ce qui est de la chair, il a dit que ne peut pas structurer le corps, c'est-à-dire la chair, et qu'il ne peut rien faire à l'âme. Parce que l'âme, personne ne peut l'atteindre. Le lieu de destination, c'est Dieu qui décide. Il a autorité là-bas. Et par conséquent, quand une maladie concerne le domaine de l'âme, il faut la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Amen. Donc, tout ce que les médecins peuvent faire, c'est d'essayer de lui mettre des électrochocs, injecter des choses dans les veines pour le calmer. Ça, il calme la chair, mais la bombe reste dans le corps. Alors, le problème spirituel paralysant, il faut le nom de Jésus. D'accord, ma soeur? Même si tu manges n'importe comment, quand tu vas manger, ton ventre va être rempli. On va te dire qu'avec le ventre boulimique, c'est ça qui a fait que tu as le cauchemar maintenant. Il faut une délivrance. Qui a dit ça? C'est le frère Camille. Donc le pasteur Camille t'a dit la vérité, ma soeur Gigi. Donc même si tu as la nourriture les a semblant calmer comme les mémés sont dans l'hôpital Jamou ici à Yaoundé. Moi, je mange même déjà beaucoup dans les rêves, chaque jour, franchement. C'est la science qui t'a dit. C'est ça, la science t'a dit que tu as mangé, même quand tu manges, tu continues dans les rêves. Donc le frère Camille a parlé, n'est-ce pas? Allô, frère Eli. Ah, la soeur, c'est qui? Madame Camille, vous voyez, le fait que vous n'avez pas mis les vidéos, je ne vous vois pas. Et c'est nécessairement vous. Non, on ne voit pas du tout. Oui, on ne voit pas. Ok, je crois que c'est la machine donc qui n'est pas bonne de ce côté-ci. Voilà. Oui, je voulais dire que moi aussi j'avais le même problème que j'ai le même problème que Gigi. Et puis dimanche passé, quand on a fini de prier, oui. Je suis allée dans la chambre. Oui. Je me suis un peu couchée. Je ne dormais pas vraiment. Et à un moment donné, j'étais coincée. Je sentais la présence de quelqu'un. Je ne dormais vraiment pas. Et puis là, j'ouvre la bouche pour parler, mais j'étais incapable de parler. J'étais glacée. Et puis là, je savais que c'était une mauvaise présence. Oui. Et là, c'était comme si je me battais pour lui dire que là, maintenant, là, tu ne vas plus dire. Là, tu ne réussiras plus, c'est moi. Et puis là, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est comme si je me battais avec. Donc, je faisais la main comme si, mais j'ai dans mon cœur que Dieu est avec moi et que tu ne vas plus m'atteindre. Voilà. C'était dimanche dernier. Parce que là, j'ai décidé que. Ici, c'est chez moi. Oui. Et je ne veux plus laisser personne rentrer dans ma maison. C'est bien ça, la et sœur. Et mon corps, le temple de Dieu. Si quelqu'un rentre encore là, il va me sentir. Il va me sentir. Ça, je peux laisser babouiller, oui. Balancer un peu de tous côtés là. C'est décidé. Oui. Alors maintenant, ça fait déjà deux. Et trois. Il y a des hommes qui sont calmes comme ça, mais on les paralyse chaque fois. Il ne veut pas dire. La réalité, c'est ce que beaucoup de chrétiens expérimentent justement. Mais je vais vous dire quelque chose maintenant, parce que nous sommes en train de toucher ce que j'ai dit à Seto Aïdara d'Abidjan tout à l'heure. Le problème, c'est que on ne parvient pas à comprendre que le monsieur de Marc chapitre 5 dont je parlais tout à l'heure, il avait 6000 démons en lui. Vous devez réfléchir comment 6000 puissent habiter dans un corps humain. 6000 personnes différentes. Essayez de classer les êtres humains comme ça, 6000 en rang. Vous voyez qu'un poulet pousse, ils entrent dans un corps humain, un seul corps. Vous devez vous poser la question, ces démons-là habitent comment? Vous voyez, dans quelqu'un se trouve l'esprit de lion, du serpent, du singe. Tu demandes que dans le parc de Waza, ils ne collaborent pas. Dans ce corps-là, comment est-ce qu'ils collaborent? Comment le serpent, le scorpion, le lion, la panthère, la chèvre peut être dans quelqu'un? Vous voyez? Donc on a un vrai expliqué qui me saisit encore ce soir. C'est que l'esprit humain a une grande contenance au point où tout le peuple canadien peut rester dans un être humain seul. Je ne sais pas si vous me suivez. Comment vous dites sincèrement? Oui. Je dis, ce monsieur ces gadarésiens là, on a chassé le démon et envoyé dans le pousseau là. Vous vous souvenez de cet événement, n'est-ce pas? Ouais. On dit qu'il y avait le démon appelé Légion. C'est 6000. Ils sont au nombre de 6000 dans un seul corps humain. La question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'ils habitent là-bas? Il y a quel. C'est comment? Un démon, normalement, c'est un ange déchu, n'est-ce pas? Oui. Imaginez la taille, si c'est manifeste physiquement, sa taille. Et comme ça, 6000. Je vais expliquer. Je suis allé au niveau de l'eau. Pourquoi cette paralysie-là nous atteint? Je suis en train de vouloir aller au niveau de l'intérêt. Notre être intérêt doit être rempli de la parole du Seigneur. Votre corps spirituel doit être revêtu par l'autorité de la parole. Si ce n'est pas revêtu ainsi, on va venir en Chine, construire les bombes atomiques chez Poutine, rentrer en France, faire la campagne pour Macron avec Marine Le Pen. Venez le matin, vous laissez là-bas, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous lever le matin, vous dites, ah, je suis cassé, comme si j'avais trop fait de travail. Ah, effectivement, on vous a pris à aller faire du travail là-bas. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, vous avez deux alternatives. Soit vous occupez de futilités, comme le faisait Marthe, ou bien s'asseoir au pied de Jésus-Christ, être rempli de la parole, afin que vous preniez part à la bonne part. Parce que la Bible déclare que si cette parole-là habite en vous et y est en abondance, elle ne vous laissera point oisif. C'est ce que la Bible déclare. Donc si ces choses-là habitent en vous, je ne sais pas si vous avez vu 1 Pierre, il dit que faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science ici, jusqu'à ces choses. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Il dit car si ces choses sont en vous, si ça habite en vous, ça doit quitter la Bible pour habiter en nous. La Bible dit qu'on prend par-dessus tout le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Puis on dit qu'on prend l'épée de l'esprit. Prendre l'épée de l'esprit, ça ne veut pas dire que si un démon vient, vous arrêtez la Bible entre les mains comme ça. Tu lui présentes comme ça, qu'au nom de Jésus, tu ne peux pas me défier. Il va t'apprendre la Bible là, entre tes mains, te gifler avec. Ne faites pas comme le pasteur qui part prier contre les arbres en disant qu'il fait des déclarations prophétiques. Il pointe l'arbre, le parole sur l'arbre comme ça en disant que je me protège avec la parole. C'est pas comme ça qu'on se protège. La parole est esprit. La parole est esprit. Et cet esprit-là, dans la Bible, on lui donne le nom de Christ. La parole est esprit. Et dans la Bible, votre Bible appelle ça Christ. Et on dit donc que Christ en vous, l'espérance de la gloire. La parole doit quitter l'écriture, quitter là, comme ça. Lorsque vous méditez, je crois qu'il va falloir qu'on parle de méditation pour que vous voyez comment la parole, le livre que vous avez au devant de vous, ou bien tout autre support, pour habiter dans le cœur. C'est pour ça que vous vous confrontez à un démon. Si vous n'êtes pas revêtu, ou on n'est pas revêtu de l'autorité en prenant la Bible, on tape sur soi ou bien on court notre habit avec les versets bibliques. Ça ne changera rien. C'est la parole qui habite dans ton cœur qui est relâchée par la foi avec l'autorité du nom de Jésus. Si la parole puisse entrer, ça entre par la méditation. C'est la voie par laquelle Dieu a demandé que ça entre. Et donc, tous ceux qui sont paralysés d'une manière ou d'une autre sont vides de la parole de l'autorité. Vous m'avez... Mais ça veut dire... Oui. Donc, ça veut... donc c'est... Nous lisons tous les jours, là, ça veut dire que c'est la lecture seulement qu'on fait. Bon, c'est très bien ça, frère Camille. Très bien. Il y a si vous lisez la Bible, vous faites bien. Si vous méditez la Bible, vous faites mieux. Si vous le laissez habiter en vous, vous faites très bien. Donc, ça, c'est la première étape que vous faites. Lire la Bible, c'est une chose. Parce que vous pouvez lire la Bible. On dit, frère Camille, c'était comment le partage? Je dis, ah, le partage était bénissant. C'est pas ça. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Remarquez bien, l'on a dit. Est-ce qu'on lit la Bible avec la bouche normalement? Vous voyez, pour que tu puisses lire, il faut avoir que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bouche. Médite le jour et nuit. Méditez. C'est un autre sujet là maintenant. Je crois qu'on va voir cela un de ces jours. Méditez jour et nuit pour. Dans le livre de Jean au chapitre 1, il dit que ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Mais mettez-vous à l'œuvre. Il faut qu'on se mette à l'œuvre. Il dit écoute la parole, mais n'aimez pas. Il est semblable à celui qui regarde son visage, il oublie comme il était. Donc, exactement comme la Bible, vous voulez seulement lire pour vous satisfaire de votre accomplissement religieux en disant qu'aujourd'hui, j'ai lu ma Bible. J'ai lu de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2. Si c'est ça, vous n'avez pas encore quitté la religion. Voici par exemple le frère Béguiné qui pose une question concernant le fait que Dieu se repente dans Genèse chapitre 6, verset 6. Et dans Nombre chapitre 23, verset 23, il dit Dieu est-il un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour pour mentir. Et il commence à dire, ok, je crois que c'est la contradiction ici. Normalement, ce qu'il devait faire, c'est il devait aller dans la Bible pour regarder maintenant ce qu'il dit ici. Parce que ta Bible pense qu'on qu'il en est. Il passe le temps dans la Bible, il lui reverse là. Mais pour nous maintenant, le problème, c'est qu'on va dans la Bible lorsqu'on a un problème. Il y a même des gens qui ont déjà écrit les psaumes. On dit que si tu es angoissé, on met la psaume 51, psaume 22, psaume 23. Donc, c'est le livre des angoisses et des solutions. Donc, l'esprit catholique se trouve encore là. On dit que si tu es dans le manque, psaume 23. Tout le monde sait réciter le psaume 23. Tout le monde. Même les païens. En fait, c'est écrit même sur les voitures. Donc, on va dans la Bible pour chercher la solution instantanée. Pas la solution durable. Or, Dieu lui veut donner la solution durable, la solution qui est éternelle. Dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Voilà les choses à méditer. « Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les chrétiens passent leur temps dans les boîtes à parler des étoiles, de football, des Champions League. Ils s'assoient là-bas. Dieu dit « Qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Aujourd'hui, on dit qu'on est trop radical. « Qui ne s'assoit pas des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Celui-ci va te dire maintenant que non. David est toi là-bas comme ça, le Saint jette une parole pour amener quelqu'un en lui. Donc tu es très fort plus que le son 1. Dans la Bible déclare heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. On dit qu'il est comme un arbre planté, plein d'un courant ne se fructue point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors maintenant, les autres versets 1, 2, 3 que j'ai cités, personne, on ne veut pas faire comme il se doit, mais on veut être comme un arbre verdoyant planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que l'arbre qu'on plante près des sources d'eau, lorsque la saison sèche arrive, cet arbre-là a sa racine toujours qui plonge dans l'eau pour prendre à tout moment. Donc il veut dire, celui qui passe à la parole de Dieu sous ses yeux, dans sa bouche chaque fois pour méditer, tôt ou tard, s'il y a un problème de sécheresse quelque part, il a le conseil de Dieu pour puiser ce que Dieu veut de lui. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons nos activités. Marchons avec nos semblables et faisons n'importe quel style de vie que nous menons, Quand il y a un problème de sécheresse, on court au verset 4 pour pouvoir dire, Seigneur, quelles sont les promesses pour telle chose? Tu as dit, c'est pour ça qu'on dit cela, ça n'est parce que Dieu ne peut pas être manipulé. On ne peut pas le manipuler. Il dit qu'avec celui qui est pur, il agit selon sa pureté. Avec le pervers, il agit selon sa perversité. On ne peut pas le tromper. C'est un peu comme les enfants de l'école, du corps, les enfants catholiques, vers la fin de l'année, comme on va composer le concours. On va regrouper les enfants dans les dénominations, les dire, venez apporter vos stylos pour qu'on prie, on bénit, pour que vous composez le BEPC, vous composez le probatoire, le baccalauréat. Vous me suivez? Oui, Satan n'aime pas cela qu'on dit ces choses. Vous m'entendez? Si on est fait seulement la main comme ça, je continue. Si vous m'entendez, faites la main. Voilà, c'est bon. Ouais, il n'aime pas qu'on fasse cela. Il a commencé. Qui vont regrouper les gens dans les dénominations, prier, briser les démons qui bloquent les scolarités. Briser et à l'intérieur, les filles vivent avec le petit amétisme, vivent dans le péché. Mais on peut aller dire que éloignez-vous de le nom de Dieu pour que Dieu leur donne l'examen. C'est ce qu'on fait. C'est le maraboutisme qu'on a amené comme ça au milieu de l'église. On ne peut pas leur dire la vérité que arrêtez le péché. Arrêtez le péché, vivez comme Dieu veut. Il peut vivre dans le petit amétisme, d'autres boivent dans le vivent les soulards. Mais quand c'est fort, à la fin de l'examen, tout le monde devient les saints chrétiens. Après le jour où le résultat sur son nom est là, il dort en boîte de nuit. Le lendemain, tu lui parles de Jésus, il dit que non, Jésus, il faut au moins attendre dimanche. Que c'est comment Jésus, chaque Jésus, même Dieu lui-même est fatigué. Que Dieu nous vienne en aide vraiment. Vous m'entendez? J'espère qu'elle ne vous blesse pas, ne me regardez pas comme ça. Voilà. Et permettez-moi, on n'a pas de son de retour ici. Permettez, donnez une seconde là le temps de vous remettre. Je crois que c'est la connexion qui n'est pas bonne ici. Il n'aime pas. Quand Satan sait que les gens sont sortis du péché, c'est manigance. Donc, vous aussi, vous qui m'écoutez, souvenez-vous de dire la vérité aux gens. Et vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Ne pensez pas que vous allez sortir faire vos activités. Vous êtes en plein dans votre travail. Vous pouvez respecter scrupuleusement les chartes qui vous sont données dans vos travaux. Mais Dieu lui donne scrupuleusement les chartes qui font donner les principes de son royaume. Vous négligez ce que lui dit, lui qui est l'éternel. Et vous faites ce que l'homme dit parce que l'homme a des solutions instantanées. Vous savez que si vous n'arrivez pas tôt, on va sortir du travail. Si vous n'accomplissez pas telle tâche, on ne doit pas vous donner telle chose. Il faut que votre paye soit donnée. Parce que c'est instantané. Mais comme Dieu paye lentement, on ne sait pas trop s'il va même répondre à la prière. On fait pour lui avec négligence. Et Jérémie 48, verset 11 dit, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc il faut qu'on soit sérieux avec le Seigneur. Je vais couper la vidéo un instant, le temps, pour que vous puissiez voir la chute de... Je sais que vous m'entendez toujours, je ne sais pas ce qui arrive là, la connexion dérange. Donc donnez-moi quelques minutes, le temps que je rétablisse ici, je vous reviens, s'il vous plaît. Vous m'entendez donc quelques minutes seulement, le temps que vous parlez, je ne vous entends pas du tout. Tout ce que vous parlez, je ne vous entends pas parce que la connexion dérange. Vous m'entendez, n'est-ce pas, frère? J'atteins là, je vous reviens parce qu'il faut qu'on passe ces choses là. En même temps, d'autres préparent les questions. On n'a pas encore fini avec la question du frère Béguénic. Il n'aime pas ces choses. Vous allez me supporter, vous êtes votre frère, je suis obligé de dire la vérité, d'accord? Entre temps, si vous avez des questions, si vous posez, papa, ici. Béni Dieu. Tu te bénis comment? Dans le quartier, mon grand Dieu, nous te bénissons. Oui. Parce que le quartier, là, ne continue pas avec ce que la parole dit. Oui, quand tu veux chanter tout à l'heure, et que sur moi descend la flamme, Dieu, la flamme, tu as entendu ça sur toi. Hein? C'est pas où chanter, c'est bien, non? Continuez toujours comme ça que la flamme descend sur vous. Autre question, frère. Oui, il y a l'autre, vous chantez n'ava qu'une seule envie. Comment vous pouvez avoir l'envie? Alors que la Bible dit que l'envie est un péché. Je veux dire, hein, hein. Ouais. Voilà. Mais vous chantez, vous avez la chair de poule, non? Vous devez vérifier la parole. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus. On ne peut pas avoir envie d'aimer Jésus. C'est pas possible, pas vrai, frère? Mm-hmm. Voilà, on va revenir sur ça. Vous chantez seulement chaque fois, il ne dit rien. Il y en a plusieurs comme ça. Des questions? Si vous avez des questions, posées. Frère, j'ai une question. Frère, en réalité, je veux comprendre quelque chose sur la foi. Parce que nous voyons dans ce livre d'Hébreux 11, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et plus loin, on nous fait comprendre comment Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et quand nous ramenons tous ces paramètres aujourd'hui dans l'Église, j'essaye de vouloir comprendre quel est le style de foi que le chrétien est censé avoir aujourd'hui. Parce que nous voyons dans ces évangiles où le Seigneur Jésus-Christ reproche les disciples, disant que l'être étant des hommes de peu de foi, juste à cause du fait qu'ils n'ont pas pu chasser cet esprit-là qui était sur cet enfant. Et par contre, la Bible, il se pourrait qu'il y ait plusieurs styles de foi. Et j'aimerais savoir quel est le style vraiment qui peut... En fait, que le style de foi que le Seigneur attend que nous ayons pour pouvoir marcher étant inébranlable. Toi, en lisant tous les styles de foi, tu as quel genre parmi? En observant, c'est une question que j'ai posée, non? Toi, en observant les styles de foi là, toi, tu as vu ta part là-dedans, que tu as ta part quoi? En fait, moi, je sais que ma part, c'est une foi qui croit au fur et à mesure. Tu as vu la cartelle aussi dans la Bible? J'ai vu ça, frère, parce que la Bible dit que nous avons reçu la même mesure de foi. Oui. Ayant reçu cette même mesure de foi, au fur et à mesure que nous nous affectionnons aux choses d'en haut et que notre intelligence est renouvelée, nous parvenons à marcher, voir un type de foi encore plus élevé. Ok. Comment tu as fait pour recevoir cela? C'est pas la grâce, c'est un homme de Dieu, frère. Oui. Et l'autre, là, tu me demandes comment on fait pour avoir l'autre aussi, non? Pardon, frère. Tu me demandes comment on fait pour avoir les autres et comment c'est que Dieu veut pour qu'on donne. C'est toi qui as solliciter l'autre pour qu'il te donne l'autre là. Non, frère. En fait, je veux comprendre la différence entre ça et ce que le Seigneur Jésus dit aux disciples. Mm-hmm. Même dans la barque, quand le vent soufflait, il a encore dit pourquoi est-ce qu'il. Donc, en fait, pourquoi il les a encore traités des hommes de peu de foi. Donc, je veux comprendre en fait. Il y a un enseignement là-bas, c'est quoi la foi? Il y a un enseignement, c'est quoi la foi? Vous, quoi que vous faites, mes réponses là pour écouter cela, ou tout cela expliqué là-dedans, d'accord mon frère? Mm-hmm. Autre question? Oui. Quelqu'un a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Frère, dans la foi, la foi déjà écrit, il dit que il y aura quand il fait mention des personnes qui seront sauvées en Israël, il est précisé là-bas, c'est bien spécifique, écrit. Oui, c'est bien écrit de façon précise le nombre de personnes, donc c'est 12 000, et ce qui forme à la fin 144. Oui. Je me pose la question de savoir, et puis après il dit par la suite là, l'exemple de toute tribu et tout. Je me pose la question de savoir les 144 trucs qui sont sauvés, ce sont Israël, non? Bon, d'abord, la question que je veux savoir, c'est que est-ce que dans en Israël là-bas, quand le Seigneur va retourner là-bas, comme il a dit qu'ils vont, quand il va se tourner vers eux, ils vont croire. Ils vont tous croire. Ils veulent savoir, est-ce que parmi eux, il y aura encore une sélection ou bien c'est tout le peuple juif qui sera converti et qui ira au ciel. Ouvre Romains chapitre 11, mon frère. Rapidement là. Rebonsoir encore, vous êtes là. Je sais, quelqu'un essaie de parler, je vois si on vous entend là. Frère Camille. Oui, oui. Ah là, c'est bon. Je crois que c'est rétabli. Bon, rebonsoir. C'est rétabli. Donc, rapidement, lis Romains chapitre 11, là, je reviens avec nos frères ici. Vous êtes ici, vous mangez. Romains chapitre 11, lis le verset 25. Car je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Oui. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Oui. Continue. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob. Oui. Et ce sera mon alliance avec eux. Oui. Lorsque j'ôterai leur péché. Oui. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Oui. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Voici donc l'un des mystères de la Bible. Le peuple juif, c'est un pied d'achoppement dans l'évangile. Donc là-bas, le Seigneur nous explique, le Saint-Esprit nous explique le mystère du rejet et de la réintégration, ou bien de la réacceptance d'Israël, ou bien le mystère du rejet d'Israël et l'intégration des païens. Il dit qu'en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Donc Dieu a voulu qu'ils ne comprennent pas l'évangile pour que c'est destiné aux païens. D'accord? Parce que c'est par l'évangile qu'il va amener. Mais pour l'élection, ils sont élus. Mais le vrai problème, c'est que tu poses la question, est-ce que c'est tous les juifs qui seront sauvés? Non. Parce que quand tu vas prendre le livre des gens, de ces Romains, rentre, tu lis le chapitre 9, chapitre 10, plus le chapitre 11, jusqu'à ce que ça termine. Il va dire que pour ce qui est d'Israël, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui se descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce que Judas Iscariote avait un père juif, une mère juive. Mais il est mort, il allait en enfer. Il était un Israélien. D'accord? Les personnalités qui étaient devant le Seigneur Jésus-Christ, qui étaient bien remplies de la Torah qui était devant lui, il leur a dit, vous avez peur le diable. C'était des juifs. Ils ont dit, nous ne fûmes même pas esclaves de personne. Tu vois ça? Donc ce n'est pas cela. Ce n'est pas élection. Merci. Alors, rebonsoir mes frères ici. Bonsoir. Oui. Avant que nous soyons coupés, je crois que c'est clair maintenant. Nous voyons ici la sœur Sudane Clodon. Bonsoir la sœur Sudane Clodon des Pays-Bas. J'espère que tu nous écoutais tout ce temps-là. Ok, que Dieu te bénisse. Bon, le frère Camille, maintenant nous te voyons. J'espère que l'esprit n'est pas. Stéphanie est peut-être l'esprit l'a paralysé, il faut bien la surveiller. On ne la voit pas. Bien. Ok. La sœur Christiane Yankam est allée regarder les enfants. La famille Jean-Paul est là. Oui, le frère Jean-Marie est là. Aïdara est là. Je crois qu'il y a une certaine. La sœur Aïdara, assez tout Aïdara. Il y a une sœur du côté de la France qui veut se joindre le groupe. Essaie de lui donner le lien du groupe qu'elle puisse y intégrer rapidement. Émeraude, elle est connectée. La sœur Suzanne Solange est là. La sœur. Les frères Étienne, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train de développer tout à l'heure par rapport à la paralysie. Cet esprit qui paralyse là. Et j'étais en train de dire la solution, c'est d'être rempli de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas lire la parole tout simplement de façon superficielle comme nous le lisons, avec un groupe ou bien par devoir religieux, mais de laisser la parole nous pénétrer. Et pour cela, franchement, il faut que je vous explique des choses clairement. Lorsque nous allons parler de méditation, comment faire que la parole de Dieu puisse habiter en nous? Il faut se placer sous la grâce pour que Dieu puisse mettre la parole en vous. Parce que vous pouvez écouter la parole en mettant des iPhones ou bien n'importe quoi à vos oreilles. Vous laissez la parole, vous dormez avec la parole, ça ne fait absolument rien. C'est même dans le songe où vous avez mis l'appareil sur vos oreilles pour écouter la Bible, Jean chapitre 14. C'est là où vous avez le couche de nuit. Donc ce n'est pas la solution là-bas. Il faut que la parole habite en vous, c'est à l'intérieur. Le Seigneur a dit qu'il veut habiter dans le cœur. C'est dans le cœur qu'il veut habiter. Et pour que ce cœur-là soit son habitation, il faut que le cœur soit dépouillé de tout désir et plaisir du monde. Le frère Stéphane, bonsoir. Bonsoir, frère. Je ne suis pas encore à la maison. Là, je suis Stéphanie au travail. Ouais, les Stéphanie sont toujours en train de bouger. Que le Seigneur te bénisse. De toute façon, nous sommes là. Nous sommes ensemble, frère Stéphane. Tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Roule doucement en regardant bien devant toi. Amen. Mm-hmm. Donc, quelqu'un a-t-il encore des questions? Oui, le frère Béguéni, il est encore là. Oui, gardons sa question au frère. Oui, oui, on va prendre ta question tout à l'heure. Donc, la sœur Stéphanie et la sœur Gigi, c'est pour tous ceux qui sont paralysés, qui se paralysent, qui se laissent pas paralyser, qui n'ont pas le choix que d'être paralysés. Et les hommes qui sont paralysés et qui ne veulent pas dire qu'ils sont paralysés souvent. Gardez-vous à l'esprit que la solution, c'est au niveau de la parole. Il faut que la parole, il faut qu'on passe à un autre niveau de la méditation. Il faut que nous essayons de voir avec le Seigneur comment méditer, que la parole habite en nous comme elle habitait. Il faut qu'on trouve ces façons-là. Et il n'y a pas deux façons. Vous devez tracer une ligne entre notre façon d'agir maintenant, qui est un état de léthargie, notre état de léthargie spirituelle, notre état spirituel n'est pas bon, et franchir maintenant le cap où il faut restaurer les choses. Vous devez admettre d'abord cela avant qu'on avance. D'accord, les frères? Il ne s'agit pas seulement d'être angoissé ou bien d'être un peu dépassé. On ouvre la Bible pour essayer, on cherche les pages où ça nous donne, où on cherche la consolation. Puis vous dites, frère Trabi, est-ce que là où quand quelqu'un souffre, c'est quel passage de la Bible là qui souffrait? Quel est l'exemple de quelqu'un qui souffrait dans son foyer là? On dit que non, va voir Sarah, lis Sarah. Sarah souffrait. Comment elle a prié? Non. Vous voyez, quand vous cherchez comme ça, vous cherchez l'expérience de quelqu'un d'autre. Vous cherchez l'expérience de quelqu'un d'autre. Ouais. Maintenant, il faut votre propre expérience avec la parole. Les événements qui nous arrivent sont des moyens disposés par le Seigneur pour fortifier dans cette marche-là, la marche dite chrétienne. Et par conséquent, chaque moyen qui nous arrive, chaque chose qui nous arrive, soit en bien, soit en mal, sont destinés à nous fortifier dans cette école, l'école du Seigneur, l'école de la foi. Et par conséquent, nous devons nous y atteler. Parce que quand il y a des problèmes de souffrance devant nous, notre christianisme moderne n'enseigne pas les situations difficiles. Il faut qu'on chasse les situations difficiles au nom de Jésus. Pourtant, les situations difficiles sont là, effectivement, pour nous entraîner. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Avant qu'on revienne, s'il n'y a pas de questions, c'est la chose. Oui, le frère Joubert. Oui. J'ai une question concernant les rêves récurrents. Quand les rêves se répètent, s'agit-il d'un message que normalement Dieu est censé te pencher pour connaître ce que Dieu veut bien aussi? J'aimerais savoir vraiment parce que j'ai beaucoup de rêves récurrents qui m'arrivent de fois, comme je me retrouve dans le bon milieu des gens qui ont soif d'écouter la parole de Dieu, et je me mets à aller prêcher la Bible, il y a des miracles, il y a même des morts qui ressuscitent, des choses extraordinaires dans mes rêves. Et dans ces rêves-là, tu es très fier de prêcher, qu'il voit des miracles, n'est-ce pas, frère Joben? Oui, je suis très heureux de voir Dieu en activité. C'est ce que je souhaite que Dieu fasse. Tu es à Tanger, n'est-ce pas? Là, il y a les Arabes, non? Oui, il y a les Arabes. So, on va faire ça dans la rue, on va voir. tu sauras ce que c'est que dans le pays arabe. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Ces choses que nous sommes en train de vivre maintenant, vous et moi, je l'ai vu il y a cela plus de 6 ans. Ce regroupement, ce que nous voyons ici aujourd'hui, je l'ai vu dans la vision depuis 6 ans. Il y a des personnes qui viennent au devant de moi, quand ils se plaignent devant moi, je me souviens que je l'avais vu dans la vision il y a cela 6 ans. La personne se tient seulement là-bas. Il y a seulement certaines choses que je ne dis plus là. Mais la vision, les rêves sont des moyens du Seigneur normalement pour conduire son peuple. Tout au long de la Bible, on voit comment il a conduit les gens par des rêves. À Pharaon, comme aux croyants, il donne des rêves. Mais nous nous trouvons dans un endroit où il y a tellement l'embrouille au point où on ne connaît pas les rêves qui viennent du Seigneur. Là encore, on touche le point de l'expérience. Si vous avez de l'expérience avec le Seigneur dans le passé, c'est que vous connaissez comment il parle, comment il vous parle, sa façon à lui de vous parler. Vous pouvez savoir qu'à de cette manière-là ou non. Et par conséquent, vos rêves à la lumière de la parole, et de savoir d'abord la voix et le moyen que Dieu vous parle, pour savoir si ce qui vient est de lui. Sinon, un jour, quelque chose va s'accomplir et notre Dieu, ce n'est pas s'accomplir. Ici, il faut d'abord une sanctification du cœur et de nos pensées. On appelle donc ça le dépouillement du vieil homme et de ses œuvres. C'est le langage que mon père utilise dans la Bible. Il faut sanctifier la pensée. On appelle ça le nettoyage, le renouvellement de nos pensées. Ces choses sont opérées. Quand le cœur a été nettoyé et être exclu des choses du monde et que l'intelligence est renouvelée, vous êtes un dépôt, un vase dans lequel le Père peut s'exprimer. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Mes frères, vous êtes avec moi? Amen. Ouvrez Éphésiens chapitre 4. Donc, mes frères bien-aimés, vous tous qui m'écoutez en Belgique, en France, enfin, dans tout le continent européen, en semaine, nous sommes en Europe. Nous commençons par l'Allemagne. Je crois que ceux de l'Allemagne... et puis, on va descendre. Ça passe comment... le frère, le temps que vous trouvez, Éphésiens chapitre 4. Le frère Jean-Marie Bekombo, est-ce qu'il est là? Le frère Jean-Marie, il est là? Oui. On commencera par l'Allemagne, après la Suisse et puis après la France. Non, je crois que l'Allemagne doit être en dernier lieu parce que c'est pas l'Allemagne qu'on va rentrer. Donc, il faudrait mieux qu'on finisse avec les autres pays avant de revenir à l'Allemagne. Ok. C'est avec madame. Ok. Je crois qu'après ceci, vous, la soeur Claudon, où est la soeur Carole? La Belgique. La soeur Carole, la Belgique est dans le lodge. Quoi? La soeur Christian, on sera chez avec la soeur Trabé. La Claude Trabé, on serait chez vous, hein? Amen, amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux de l'Allemagne, je crois qu'ils sont les plus nombreux. Les plus nombreux. Le frère Étienne, tu es là? Il y a une question. Oui, la soeur Louise, c'est pas une fois n'est pas plus, mais la soeur Louise pose la question. Pardon, j'aimerais savoir si vous ne venez pas en Espagne. En Espagne, qui va nous conduire là-bas? Enfin, je crois qu'il va falloir voir cela avec le frère Stéphane. Si vous voudrez que nous venions en Espagne, du côté de l'Espagne, si vous voulez bien nous accueillir, on va inclure l'Espagne dans le trajet. Et le Canada? Le Canada, c'est en plein l'année prochaine après les États-Unis, parce que après l'Europe. On va aller du côté du Maroc, soit du côté du Maroc ou bien la Côte d'Ivoire. C'est ça, n'est-ce pas, Frère Iba? Frère Iba, après notre retour, on va du côté du Maroc ou bien en Côte d'Ivoire en premier. Lequel? Bon, non, je pense que c'est plus simple de venir. C'est mieux de venir en Côte d'Ivoire. Donc, viens d'abord en Côte d'Ivoire, puis le Maroc. Puis le Maroc, oui. Si vous écrivez à l'Allemagne, qu'elle puisse se joindre au groupe. Frère, tu sais que pour la Côte d'Ivoire, c'est quand même c'est chaud, non? Voilà, donc, bon, si tu vois que le Maroc est plus léger, bon, c'est toi qui vois. Bon, je crois que c'est plus chaud en Côte d'Ivoire qu'au Maroc. Je crois que ce serait mieux qu'on parte d'abord en Côte d'Ivoire avant de venir au Maroc. C'est ça, n'est-ce pas, Frère Jobel? Comme Dieu voudra conduire les choses, voilà. Ok. Donc, ils sont allés jouer avec moi et Dieu. Et là, donc, et entre frères et bas, personne ne veut dire ce qu'il faut dire. Alors, donc... Moi, je vais dire... Ah ah, c'est Gigi. Dis-nous, tu voulais dire quoi? Que ça vient au Maroc parce que si tu vas en Côte d'Ivoire, tu auras besoin du visa pour venir ici, je pense. Oui, mais si on a les deux visas dans le passeport, alors, ça ne dérange pas. Si tu viens au Maroc, si tu pars en Côte d'Ivoire, tu n'auras pas besoin de visa. Et le Maroc, c'est plus proche. Oui, Fladno, je dis non. Non, en fait, il aura toujours besoin du visa puisqu'il n'y a pas le Cameroun et le Maroc. Et la Côte d'Ivoire par rapport au visa. Il est obligé d'avoir le visa, les deux visas. Quel qu'en soit le cas. La sœur Carole d'Allemagne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Shalom, shalom. Bonsoir. Alors, bienvenue la sœur Carole, mais on est sur le point. Là, vous contactez, c'est la sœur Carole. Prenez le contact de la sœur Carole, c'est elle qui va vous dire où on sera, comment on sera là-bas. C'est elle qui coordonnera ça avec, je crois, le frère Stéphane, le frère Étienne, et puis le frère Jean-Marie Bekombo par rapport à la Suisse. Donc, pour ce qui est de Paris, je crois qu'elle va donner. Elle doit gérer tous les contacts, toutes les possibilités. Donc, pour ceux du Canada, souvenez-vous, il faut d'abord les États-Unis avant le Canada. Il faut d'abord les États-Unis avant le Canada. Donc, après cela, après la tournée, on va rentrer en Afrique. Et après, ouais. Oui. Déjà, dans le monde entier, on dit toujours que le Canada est le petit frère des États-Unis. Oui. Que quand les États-Unis disent toujours quelque chose, le Canada, ils vont toujours suivre. Oui. Donc, même en esprit, tu es en train d'aller toujours dans ce sens-là. Je ne savais pas qu'il y avait d'abord les États-Unis avant le Canada. Moi, mais je ne savais pas qu'il y avait un parabole comme ça, frère. Oui. C'est la direction d'écrit que je suis. C'est la direction d'écrit. Que je suis. Amen. Je ne viens pas là-bas par complaisance ni par ni pour voyager, ni, pas, ni pour le plaisir. C'est la direction de Christ. Oui. Donc, il y a le Christ en Europe. Donc, Canada, ce sera bien. Quand on sera au Canada, je crois que le frère Camille, tu seras venu pour chasser les démons là-bas. Demain là, je me suis un peu calmé. Je t'ai calmé. Frère Jobin, quand on va venir, tu ne dois plus chasser les démons. Ce sera physiquement maintenant. Frère Etienne, bonne arrivée encore. Frère Etienne, dans les mains, ton micro est fermé, tu te laisses ouvert. Nous sommes de parler. Et je crois que ça c'est. Frère, tu nous écoutes. C'est quand quelqu'un n'a pas ça maintenant. Éphésiens chapitre là-bas, Éphésiens chapitre 4. Donc, de toute façon, pour grands itinéraires, il y a le frère Étienne, la sœur Carole d'Allemagne, tous en Allemagne, le frère Jean-Marie Bekombo de la Suisse, et ceux de Paris, l'équipe de Paris. Je crois que le frère Trabi, la coupe Trabi de côté de la Belgique, et la sœur Suzanne Claudon, pays bavarois. Vous causez cela à collaboration. Moi, je suis une marionnette entre les mains du Père. Mais frère Julien, apparemment, tu nous as dévié. Comment ça? Étienne, tu ne nous as pas cité. Mais tu n'es pas en Allemagne, mon frère. Tu as déjà donné l'itinéraire, on n'a pas compris le nom. Je crois que j'ai dit qu'en Allemagne, l'Allemagne ce sera la base. Nous atterrissons en Allemagne et nous partons de l'Allemagne. Donc l'Allemagne aura beaucoup plus de temps. Et par conséquent, Amen. On atterrit en Allemagne. On va d'abord à tous ceux qui sont en périphérie, en France. Voilà la sœur Suzanne, la sœur Louise qui a dit qu'il faut qu'on vienne en Espagne. Il va falloir qu'elle voie cela dans le programme également. Nous n'avons que 30 jours. C'est vrai que nous avons l'opportunité de faire 60 jours, 61 jours, mais nous voulons faire 30 jours et rentrer après dans cet intervalle de 30 jours-là. Il va falloir que vous vous ayez arrangé. Frère Junior, concernant oui? Le Maroc, tu pourras faire combien de jours à peu près, s'il te plaît? Je ne sais pas, peut-être même 2 jours comme ça. Seulement? Selon que le Seigneur va disposer, donc on pourra faire peut-être 2 semaines ou 3 semaines, d'accord ma soeur? Frère Julien. Oui. Oui, 4 jours, c'est peu, hein. 4 jours. Ouais, c'est peu, hein. Vous voulez qu'il fasse comment dans mon frère? Non, mais si tu as deux mois, en fait, 4 jours pour faire tout le tour. Parce qu'il faut compter le voyage, il faut compter que tu dois te reposer aussi. Ouais, la fatigue aussi. Parce que l'Allemagne, la Suisse, après, tu vas remonter au nord de la France, après la Belgique, la Hollande, puis retourner après en Allemagne. Je ne mange pas les OGM, on mange la nourriture solide. Donc, le Seigneur va nous fortifier pour cela, d'accord? Amen. Alors, je crois qu'il y a plus de préoccupations dans ce domaine-là. Je crois que si vous avez des préoccupations, le frère Jean-Marie Bekombo et le frère Ren, ainsi de suite, tous ceux de l'Allemagne, de toute façon, vous aurez le programme. Contactez le frère Étienne et la soeur Carole. Ils vont bien coordonner cela. Éphésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 24. Le frère. Oui, frère Camille. Je vous dis donc, et je vous conjure de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur pensée. C'est encore quel verset là-bas, frère Camille? Éphésiens chapitre 4, verset 17. Non, frère, bah, c'est ça, c'est vraiment ça, mais c'est sa version là qui dérange. La version de Stéphanie. Non, ça c'est la bonne version que moi j'ai. C'est ses mains, n'est-ce pas? Non, c'est BJC. Ah. Ah. Bon, qui a lu second là-bas? Moi, je sais. Oui. Voici ce que. Oui, il lit la sœur Méchi, la sœur Gigi. Voici donc ce que je dis oui. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens oui. Qui l'ont de leur pensée. Oui. Je continue. Continue jusqu'au verset 24, j'ai dit. Ils ont l'intelligence obscurcie de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour la mettre en espèce. C'est quoi ma soeur Gigi? T'as-tu vécu notre Bible? Non, c'est parce que j'ai tourné la page. Oui. Pour commettre toute espèce, pour quoi commettre... Oui, pour commettre toute espèce d'impurité. Joindre, cupide. Oui, continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est bon, ma soeur, c'est bon, merci. Donc, vous voyez effectivement que c'est, en résumé, c'est voilà ce qu'il est en train de dire. Il parlait tout à l'heure de la méditation, là, c'est de Josué chapitre 1, verset 8. Vous allez dans le psaume chapitre 1. J'ai parlé de Jacques, la nécessité de vivre la parole et de la laisser vivre en nous. J'ai parlé de chapitre 1, verset 27, qui parle de Christ en vous. Si maintenant, avant de toucher ce verset, c'est temps de dire que deux choses doivent être faites pour que nous ayons la parole en nous, habitant en nous. Il faut que notre pensée et notre cœur soient nettoyés des choses et des plaisirs du monde et que notre intelligence soit renouvelée. Et j'ai dit, on appelle ça le dépouillement du vieil homme et de ses œuvres. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de développer ici. Il dit, voici ce que je vous dis, ce que je recommande dans le Seigneur. Il dit, voici ce qu'il dit et ce que je recommande dans le Seigneur, c'est que comme les païens qui marchent selon la vanité de leur quoi? Pensée. Vous avez vu ça, frère? Pensée. De leur pensée. Donc, les pensées de tous ceux qui sont dans le monde posent problème pour Dieu. Et c'est donc pour cela que dans le psaume 1, il dit que heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie de ceux-là. Ce sont eux qui inspirent les films 24 chrono, Prison Break, El Diablo, Serena et Serena, William et William. Ce sont eux qui inspirent cela. Où les femmes chrétiennes qui cultent rapidement pour aller voir. On dit qu'ils ont les pensées obscurcies à cause de l'intelligence. L'intelligence est obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, tout ce genre d'inspiration qui puisse faire qu'il est bien, ça vient de l'ignorance. Vous voyez? Et donc, la Bible nous dit que si du moins on vous a appris normalement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ comme on devrait vous apprendre. On dit que ces enseignements-là, la vérité qui se trouve en Christ, c'est à l'égard de votre vie. C'est que lorsque vous dites que vous devenez chrétien, il y a certains styles de vie. Comme il a dit au verset 17 là, je vous le dis et je vous le recommande que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Donc, quand tu dis que tu es en Christ, il y a un style de vie que tu ne marcheras pas. Ces siècles, c'est justement, ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent qu'on les laisse avec leurs pensées, leur façon de vivre, leur façon de faire avant et qu'ils continuent à mélanger cela. Une certaine façon de syncrétisme avec la vie chrétienne, ça ne se trouve pas. C'est un système radical, une nouveauté de vie. Qui vient donc, ils disent qu'ils sont en Christ. Ils veulent vivre ce style de vie mélangé en confessant ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais on doit lui enseigner à ce que les choses anciennes passent. Il ne peut pas confesser que ces paroles ont accompli pour lui. Voilà la difficulté qui se trouve dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens souhaiteraient réciter les versets bibliques. Enfin, il récite effectivement. Et il souhaite que le verset biblique fasse ce que ça doit dire de lui. C'est ce que ça ne dit dans sa vie. Mais malheureusement, le verset biblique ne peut pas être corrompu. Dieu ne peut pas être tourné en dérisoire. Vous ne pouvez pas dire, faire la tournure avec Dieu. Vous devez marcher selon ses règles à lui. Ici, on dit qu'on ne doit pas marcher comme les païens. Et on explique le pourquoi ces païens-là sont ennemis de Dieu. Ils disent que leur intelligence est obscurcie à cause de l'ignorance. Donc les païens sont ignorants. Même s'il a raison. Il découvre n'importe quoi qui puisse soigner la raison. La Bible dit clairement quand même qu'il est dans l'obscurité. Je peux avancer, frère? Oui. Mais la partie que je veux que vous compreniez, c'est ceci. C'est par rapport à tous ceux qui vous... Quand Satan a ces choses, ces chaînes en vous, il peut réclamer et puis arrimer sa chaîne au-dessus de vous n'importe quand. Mais la Bible déclare qu'on doit se laisser dépouiller eu égard à notre vie passée. On appelle ça le vieil homme. Colossiens utilise le Colossiens chapitre 3, on parle de vieil homme et de ses œufs. Du vieil homme, on appelle ça dans notre jargon nos sales habitudes. Là, en philosophie, on dit que le mal habitué il revient au galop. C'est cette chose qu'on a dit là, c'est le vieil homme. Chez le chrétien, ça ne doit pas se retrouver. Donc il y a un enseignement. On dit que si du moins vous avez été enseigné en Christ, à vous dépouiller. Donc il y a un enseignement de dépouillement du vieil homme et de ses œufs. Alors les chrétiens savent seulement dire, on nous a appelés pour la liberté. Quand tu es en Christ, quand tu finis de confesser que Christ est Seigneur, tout va bien. Vous commencez là dans un désert du Sahara qui va vous conduire peut-être dans la noyade en Espagne. Je veux qu'on se comprenne, mon frère, que si vous continuez à prendre la vie spirituelle, ne vous attendez pas à faire ou bien un putsch contre un esprit. Il vient seulement, comme la a dit tout à l'heure, là, que elle s'est levée de la chaise, elle a lancé la main pour boxer. Boxer la main. Je boxe en esprit. Tu boxes en esprit. C'est la main de ton esprit que tu as tendue là-bas. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas contre les êtres physiques que nous avons à lutter contre. C'est contre les esprits désincarnés. Et par conséquent, Dieu nous a donné dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, un marché. Il dit que prenez à vos reins, ayez à vos reins une ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quelqu'un qui vit, un pasteur, a trois actes de naissance. Trois actes de naissance, deux passeports, quatre nationalités. Il prêche l'évangile du salut. D'autres ont coupé leur âge jusqu'à ce que quand tu vois son âge, ses yeux te disent clairement que ce n'est pas son âge là-bas. Mais il veut te dire que tu vois quoi sur la feuille. Mais la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Une la vérité, il vit dans le mensonge, il va aller combattre le diable qui est père du mensonge. On ne peut pas combattre le diable avec les choses du diable en vous. Qu'est-ce que celui-ci doit faire? Il doit confesser. Dites de la Bible. Or, Dieu a donné ses règles. On finit de quitter là comme ça. On lit, on dit que non. Bah, le combat spirituel consiste à prier toute la nuit. Vous allez prier comme ça, c'est les altri. Il faut qu'on vive dans la vérité et avoir règles. Prenez le casque de ça, le zèle que donne l'évangile, l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout la parole de l'esprit, n'est-ce pas? La parole. Et comment tu vas prendre la parole si tu ne médites pas la parole? Pourquoi au moment opportun, le Saint-Esprit peut utiliser cette parole en vous? Regardez le Seigneur dans le désert. Quand le diable est venu, il n'a pas pu le cahier pour le chasser. Quand il a amené son oppression, Saint Stéphanie, il a dit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de paix. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, que nous avons lu aujourd'hui, c'est le verset 5, 6 et 7. C'est très intéressant parce que lorsque nous allons parler de méditation, on va revenir sur ces versets. Si vous prenez votre temps, Hébreux chapitre 13, verset 5, 6 et 7, dit Josué que j'ai cité aujourd'hui, verset 8. Mais si vous lisez Josué chapitre 1, verset 6, 7, 8 et 9, vous allez remarquer maintenant par rapport à la méditation. Je ne sais pas si je vais vite ou me calmer, que j'aille doucement. Donc, j'étais en train de dire par rapport à la méditation, pour que cette parole s'y habite en vous. C'est un aspect que je voulais vous donner. Remarquez bien la Hébreux chapitre 13, verset 5, 6 et 7. La Bible déclare, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous. Voilà un défi pour les... On dit, ne te livre pas à l'amour. Tentez-vous de... Puis on dit là, puis on dit, c'est une citation. Car Dieu lui-même a dit, deux points, il y a une citation, on cite ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit là-bas, c'est tout dans Josué chapitre 1, justement. Et quand vous lisez Josué chapitre 1, vous allez remarquer que Dieu a dressé cela des fois. C'est à lui qu'il disait. Parce qu'il a dit à Joshua que partout où tu fouleras le plan de tes pieds, tu te donneras pour possession. Il dit que ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends-toi devant toi comme tu as été, comme nul n'a tenu devant Moïse. C'est ce qui est écrit dans Josué chapitre 1. La bouche d'apôtre prend cette promesse qu'on a donnée à Joshua et le dit à l'église. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Vous voyez cela? Or, dans le contexte qu'on disait même dans Joshua, il était question de combat pour pouvoir entrer à Canaan. Ici, l'apôtre Paul prend ça, il met dans le cadre de notre inquiétude et notre souci du monde. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Puis il dit donc maintenant une autre chose. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Donc, tant que Dieu a dit, on peut dire la même chose parce que ça va s'accomplir. Alors, il dit, Dieu lui-même a dit, ici, c'est que Dieu a dit, nous devons dire. Frère Étienne, veille fermer ton micro parce que je te pose des questions depuis que tu ne veux pas répondre. Alors, il dit dans Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, Dieu lui-même a dit. Puis, il cite maintenant ce que nous pouvons dire. Il dit, c'est donc avec ce que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai aucun homme. Que peut me faire un homme? Vous voyez cela? Je ne manquerai pas. Il dit donc ce que Dieu a dit et ce que nous devons, ce que Dieu a dit. On est dit. Voilà, Dieu pouvait dire, il est écrit, tu adoreras le Seigneur quelque part. Mais aujourd'hui, un esprit te presse, tu dis que tu prends contre moi. Il n'y a pas un verset que tu crois comme puissant pour toi-même. Vous voyez, la Bible déclare, nul ne tiendra devant toi tant que tu es en accord avec le Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Donc il faut craindre Dieu. Et c'est quoi craindre Dieu? S'éloigner du mal. Il nous donne toutes les spécificités pour s'éloigner du mal. Et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Tu ne fais pas ça, ce qu'il a dit. Mais tu t'attends à ce que son ange vienne à côté de toi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il dit qu'il est avec ceux dont le cœur est. avec celui qui a l'esprit dans l'abattement. Il est avec celui-là. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, il est temps qu'on prenne nos vies spirituelles en main et qu'on prenne nos responsabilités. Ne pensez pas que en prenant le livre des prières, les psaumes, vous allez lire les psaumes en des minutes à trois, ça va faire quelque chose. Vous allez seulement couler la sueur, la sueur va couler sur votre visage. Vous allez chanter les cantiques, chanter corps. Après, vous allez tousser, dormir, rêver, comment on couche avec vous, comment on vous oppresse. Donc, il faut changer de façon de faire. Si vous faites ces choses, les mêmes choses arrivent de façon répétitive, ça va nous dire que vous faites mal. Dans chapitre 4, il dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire votre convoitise. Puis, il nous insulte que adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut être ami du monde, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne te donnera pas parce que il sait que tu demandes pour imiter le monde. Tu demandes pour aller forniquer avec le monde. Il ne donnera pas. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on change de façon d'agir, mes frères. Il faut qu'on change de façon d'agir. Il faut qu'on change de façon de prier. Première chose, est-ce que nous devons nous poser cette question sur est-ce que nous aimons véritablement? Il faut que cette question soit répondue. Vrai, vrai, dans votre cœur, est-ce que vous aimez Dieu? Suivez seulement parce que vous avez peur d'aller faire. Ou bien vous avez entendu l'évangile, ça vous a effrayé que l'évangile arrive. Quand l'antichrist va venir, vous aurez chaud. Tu as dit, c'était Stéphanie, c'est fort, chacun se range. On doit venir à Dieu par amour pour lui. Par amour. Vérifiez sur votre cœur si vous aimez le Seigneur Jésus. Vous devez vérifier si c'est bien dans votre cœur que vous aimez. Il a dit, c'est mes commandements. Alors, tu l'aimes. Et que tu as du mal, comment se fait que vous pouvez expliquer que tu l'aimes? Souvenez-vous donc qu'il doit venir vers vous. Laissez-le venir vers vous. D'accord, frère? D'accord. Donc, changeons notre façon de lire la parole. Ne lisons pas la parole pour la connaissance, pour que si quelqu'un me pose telle question, je réponds. Ça ne fera pas du bien. Non, ça ne fera pas du bien. Ça te fortifiera à être un bon pharisien, un bon gamaliel. Lorsque vous lisez la parole, sachez que quand vous êtes ensemble à la maison, vous êtes seul à seul avec la parole, c'est un miroir que vous avez placé devant vous. Donc, premièrement, ça s'adresse à toi, pas aux autres. Votre miroir. Vous voyez quelque part la tache de votre oreille, vous tournez vers votre femme, tu dis, mais tu as la tache de ton oreille. Le miroir a présenté ton oreille à toi, donc c'est à toi de régler ton problème. Donc quand tu as la Bible devant de toi, sache que la Bible s'adresse d'abord à toi, toi qui es devant la Bible. Comme chapitre 22. Oui, s'il te plaît. Dans Éphésiens, U égale, par rapport à votre vie passée. Par rapport à votre vie passée. Proverbe. Vous y êtes, frère? Mais personne ne parle plus ici, là. Amen. C'est ça. Vous y êtes? Ok. Proverbe chapitre 22. Lisons le verset à partir du verset 17. La sœur Carole, tu es toujours là? Amen. Oui, frère, je suis là. Mais on ne te voit pas. Ton chéri est où? Verset 17. Il est là. Il écoute. Ok. Mettez alors la caméra. On ne vous voit pas, non? La sœur Kelly de France, elle est encore là? Verset 17, frère Camille, lisons-nous le verset 17 à 22, du Proverbe 22, qu'est-ce que ça dit? Prête l'oreille et écoute les sages, applique patience, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Stoppons là-bas, stoppons d'abord. Vous avez entendu ce que la Bible dit? On prête l'oreille à quoi, frère? À ma science. Il est bon qu'on garde ça où? Dans la tête? Au dedans. Le dedans où il parle là, c'est pas où là, mon cher? Voilà. Voilà. Donc le vrai problème maintenant, c'est que beaucoup de chrétiens ont la parole dans leur tête. Et lorsqu'ils voient quelqu'un en train d'enseigner, ils se posent la question, il faut que moi aussi parle. Il tape sa tête comme ça, là, comme s'il allait mettre le café dans le... Que Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16, il regarde comme ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il finit de lire, il fait. Après, il tape comme ça, il dit, Dieu a tant aimé, qu'est-ce que le prochain mot, c'était quoi? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que cette parole-là pénètre en vous. Quand vous avez la joie en vous déposer sur votre cœur, vous pouvez déposer la Bible quelque part, prêcher toute la journée. Alors, il dit qu'il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Avançons, lisons ce qui s'écrit. Et qu'elle soit toute présente sur... Donc, je crois qu'on va revenir dans la méditation, on va voir tout cela. Souvenez-vous de Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez? Ici, il dit que premièrement, il faut que la parole soit d'abord sur le cœur. Et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Donc, Et le Nouveau Testament explique ça d'une autre façon. Quoi que nous fassions en parole ou en homme, on doit faire pour Dieu. Et puis, si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Mais tu ne peux pas dire si ça ne sort pas de l'intérieur. Et maintenant, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 7 et dans Matthieu chapitre 15. Il dit quoi? Il dit que c'est de l'intérieur que viennent les adultères, le vol, le meurtre, le mensonge. C'est de l'intérieur, c'est de ton cœur que ça vient et c'est ça qui souille l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez la contenance, le contenu de notre cœur, la violence, la haine, la masturbation, les mauvaises pensées, ça vient du cœur. Et Jésus dit, tant que c'est à l'intérieur de toi, ça te souille. D'où la nécessité qui est le dépouillement, le nettoyage. Une autre chose vient remplacer ce qui était parlé de, et ça vient entrer par la méditation. Il dit qu'il faut que ça entre dans l'intérieur de toi, ça demeure à l'intérieur de toi. Quand c'est à l'intérieur de toi, vous commencez à dire maintenant, il est écrit et les choses s'accomplissent. Je crois, on va passer vraiment, rappelez-moi franchement qu'on parle de la méditation, on prend même une semaine pour la méditation. Sinon, on ne peut pas changer notre vie. Citer la Bible à un païen, ça ne change rien parce que Satan cite ça de la même façon. Ou de vous poser des questions, comment Satan cite la même Bible que je cite? Comment le sataniste cite la même Bible que je cite? Comment le marabout cite la même Bible que je cite? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il faut que la parole prenne vie. Continuons, mon frère. Verset 19. Enfin que ta confiance repose sur l'Éternel. Reconstruisons encore doucement. On dit premièrement, il faut que tu aimes la science de Dieu. Tu dois l'aimer. Que ça soit présent d'abord dans ton cœur, puis que ça soit sur tes lèvres, tu peux foi, confier. Donc tu peux dire. Et Hébreu, comme je viens de citer là, Hébreu chapitre 13 dit que c'est donc avec assurance, comme Dieu a dit, c'est donc avec assurance, vous voyez cela, avec confiance que nous pouvons dire, parce que Dieu a dit. J'ai médité, j'ai pris que c'est vrai, sa vie à moi, je peux dire ce que Dieu a dit. Amen. Continuons, frère. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, j'ignore. Toi. Non, ta version n'est pas bonne. Qui a la version où c'est écrit j'ignore dedans? Non. Non, frère Camille, quitte là-bas, quitte. Attendez, on prend choix d'une autre personne. Alice, la soeur Alice est où? Frère Joben. Dans ta version, on a écrit qu'on veut inscrire qui? Le frère Junior, n'est-ce pas? Non. C'est écrit quoi? Non. Qui a même la bonne version là-bas? Frère Beguenic. Jean-Louis Segond. Tu n'as pas vu Junior quelque part là-bas dedans? Non. Non. Je vais t'instruire. Toi, frère Junior, c'est écrit comme ça. Là. Oui, comment ça va? Non, le frère Jean-Marie Bocon. Je vais t'inscrire aujourd'hui, oui, toi. Moi, non. Non. Qui? Dites-moi donc. On va instruire qui? Toi. C'est le Seigneur qui vous inscrit, c'est lui-même. Il veut nous inscrire, moi, toi et les autres. Voilà. Il y a une recommandation, il y a encore une autre chose, un rappel qui va dire tous après cela. N'ai-je pas? Allons-y, frère Joben. Afin que ta confiance se repose sur l'Éternel, je vais t'instruire aujourd'hui, mis toi. Oui. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Regardez-moi maintenant. Nous t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. Vous avez vu ce que Dieu a dit dans la Bible, frère? Dieu dit qu'il l'a déjà mis par écrit. Mais les autres personnes laissent cela dans la Bible et pas étudier la théologie quelque part. Après, ils sont dit qu'il a le doctorat en divinité. Et Dieu, lui, il dit qu'il a déjà mis par écrit tout ce qui concerne, tout ce qu'on peut faire. C'est écrit. Et il a dit qu'il a mis ça pour le frère Junior, pour que je lise, comme je lis là chaque jour. Vous avez vu ça, frère? Il dit, n'ai-je pas déjà... Il dit, première chose, il a dit, je veux t'instruire. C'est Dieu qui parle. Je veux t'instruire. Il s'adresse à qui? Quand vous avez la Bible devant vous, il s'adresse à qui? Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il t'a dit, quand tu prends ta Bible, tu mets au devant de toi, ne lis pas pour les autres, pour aller instruire les autres. Lis d'abord pour ta propre instruction. Lorsque tu lis, c'est pour ta propre instruction. Ça passe, ça entre dans toi, ça fait la joie de ton âme. Tu peux exprimer la joie que tu ressens et la transmettre aux autres aussi. Vous voyez, il a dit cela d'une autre façon à Timothée. Il dit que prêche, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, mais il a dit que veille sur toi-même. Sur quoi? Sur toi-même et sur ton enseignement. Car en faisant comme ça, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Jésus a dit cela d'une autre façon. Il a dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil afin que tu voies la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc quand tu lis la Bible, On dit que votre cœur ne se trouble point. Ne coupe pas pour aller dire à quelqu'un que je connais une seule là qui est angoissée. Je vais lui donner le verset-ci. C'est à toi qu'on s'adresse. Si Dieu voulait lui parler, il devait lui dire de vous, sa Bible, il est aussi ça. Vous entendez? Pour donner le verset biblique aux gens cela. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Après, c'est toi qui fais ton programme. Tu finis d'envoyer le verset là, tu t'assois. Que demain, il veut manger quoi? Alors que toi-même, tu viens d'envoyer ça à quelqu'un. Mais les frères, vous ne parlez plus aujourd'hui. On écoute. Ok. Quand vous faites comme ça, quoi? Peut-être que la connexion s'est coupée. Non, pas encore. On s'examine en même temps. Ok, gloire au Seigneur. Donc, voilà. Donc, en réalité, notre façon de lire la Bible et notre approche avec Dieu doit devoir changer. Nous devons changer notre mentalité. On ne doit pas prendre Dieu comme un marabout ou quand on a un problème, on lui dit les choses qu'on a dû faire pour lui. On dit que tu avais dit telle chose, que tu as fait telle chose, fais-le. Il est souverain. S'il veut, il ne fait pas. Tu dois toujours l'adorer. Donc, notre approche doit changer. Première chose, on doit tracer une ligne de séparation entre nous et le monde véritablement. Vous devez faire ça pour vous. Chacun doit faire ça pour soi-même. Vous devez savoir vraiment que si ça s'agit pour vous qui êtes étudiant, vous êtes assidu à votre étude plus que les choses du royaume. Si vous êtes travailleur, vous allez voir comment si c'est à 4 heures, vous vous retrouvez rapidement parce que vous allez prendre pour les uns le métro, aller loin pour la chose de Dieu. Mais le jour où vous ne travaillez pas, où vous n'avez pas de travail, vous dormez jusqu'à 10 heures parce qu'il faut que vous vous reposiez. Dieu va comprendre pour l'autre là. Mais si ce jour-là, on dit qu'il y a travail, vous sortez de la même façon. Donc on est prompt à faire ce qui va satisfaire notre chair instantanément. On est prêt à faire ça rapidement. Mais si c'est le jour de prière, le réveil sonne, tu envoies Stéphanie taper ça rapidement, que stop, ça dérange. C'est même pas Stéphanie qui voulait même dire, c'est pour l'autre là. Alors mes frères, il faut que notre approche change. Première chose, posons-nous la question, aimons-nous le Seigneur véritablement? Deuxième chose, il faut qu'on décide franchement de savoir si nous voulons aller loin avec le Seigneur. Si vous servez le Seigneur parce que vous avez peur d'aller en enfer, vous n'y arriverez pas. Si vous voulez servir le Seigneur parce que vous avez peur que l'Antichrist va venir au-delà-bas, un de ces jours, vous allez décider, vous allez boire le poison de la souris pour mourir vite. Parce que Dieu va vous laisser sur la terre, vous voyez ça, vous allez le voir. C'est ce qu'il aime. Il dit, quiconque même garde mes commandements, c'est aussi simple. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc nous devons servir le Seigneur avec amour, pas par peur. Pour qu'on arrive à ce niveau-ci, nous devons franchir cette ligne-là que nous avons tracée. Nous traçons une ligne où on n'a plus franchi avec le monde. C'est-à-dire, vous devez être radical. N'aimez point le monde. Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. On lit cela, on dit non, Jésus qui avait dit qu'errer les débonnaires. On ne veut pas comprendre ce que ça veut dire. Alors, lorsque vous lisez par exemple dans Jean chapitre 3, le verset 6, il dit celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous lisez ce genre de verset, vous passez comment? Vous pensez que ces versets vous posent quelques questions? Quand vous lisez, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume, comment vous pouvez lire ce genre de verset dans votre Bible, vous traversez sans répondre à la question que la Bible est en train de vous poser là directement? Lorsque vous avez de la Bible devant vous, vous entendez que le Saint-Esprit a dit tout à l'heure dans le Proverbe chapitre 22 que je vais t'instruire, toi. Je vais te parler, je vais t'instruire, ça veut dire je vais te conseiller. Je vais te parler, je vais t'enseigner, c'est à toi que je m'adresse. Et puis un de ces jours, tu ouvres Jean chapitre 3, Nicodème allait voir Jésus. Puis vous arrivez quelque part, Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume. Qu'est-ce que ce verset est en train de t'adresser à toi qui est en train de lire? Il a dit ça à Nicodème, Nicodème est mort, son problème est réglé. Qu'est-ce que ça implique pour toi? La question que ça a pour toi, c'est, sache que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. C'est ce qui est dit à toi là. Comment tu bouges là-bas sans que le problème soit réglé? Comment? On ne lit pas seulement pour colorer, pour après regarder sa Bible comme ça, que j'ai trop lu ma Bible, c'est là trop sale. Non. Non. Les satanés sont plus occupés à lire cela et à jeûner. Il faut que la parole prenne vie en nous. Laissons la parole prendre vie en nous. Donc, pour cela, il faut que nos comportements changent de façon drastique. Il faut que les lignes de séparation soient claires. Que vous tirez de votre vie et éloignez de votre vie toutes sortes de distractions possibles pour consacrer ce temps-là au Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On passe le temps à apprendre à recevoir le message de Toto. Toto était en Israël, a dit comme ça. Toto répond à la jeune fille Apocalypse. Tu parles, tu envoies, tu es méchant. Frère, non, attends, j'arrive. Après, tu participes aux œuvres infructueuses des ténèbres. D'accord? Alors, la Bible déclare heureux ceux qui ne participent pas à ces choses-là, mais qui trouvent leur plaisir à la loi de l'Éternel. Donc, vous voyez effectivement, de façon à tracer une ligne ici. Cette ligne-là dit, vous ne faites pas ceci de ce côté-ci, faites plutôt ceci de ce côté-ci. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants et qui ne soient pas cœur. Réfléchissez sur ce que Dieu n'appelle pas compagnie des moqueurs. Quand est-ce que tu es en compagnie des moqueurs? Posez-vous la question et répondez à cela, ne bougez pas. C'est-à-dire, quand tu passes ton temps avec qui? Qui est ta compagnie? Ce que tu fais là, tu médites, tu es en train de méditer la parole de Dieu ou bien tu es en train de te moquer avec les autres. Les gens qui se mettent à se moquer de la parole, se moquer de Jésus, insulter le pasteur, c'est avec lui que tu joues. On passe le temps, on dit, ce sont nos amis, on va faire comment? Après, on cherche les versets bibliques pour essayer de tourner, c'est que Jésus lui marchait avec les sous-là. Lui-même, il a dit, il marchait comme ça en prêchant, toi tu ne prêches pas. Il parle, toi tu ris. On t'évangélise. C'est vraiment une honte pour nous dans cette époque-ci. Et là, on est sûr et certain que Christ va venir, on va entrer. Il te pose la question, tu as fait quoi sur la terre? Tu dis, j'étais ingénieur en polytechnique. Vraiment, hein? Donc, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas ton travail ici dans le royaume. Il n'y a pas d'électricité arrangée au ciel là-bas. Il n'est pas dit que si tu es présent dans la Bible, la joie est pour une seule âme qui se gagne sur la terre, il y a de la joie là-bas en haut. Le Père arrive, le jour arrive où le Père va donner la rétribution. Donc, il faut donc que la ligne soit tée. Et qu'on redéfinit les objectifs, nos objectifs, ce qu'on appelle en anglais le goal, ce que nous devons accomplir. Il faut qu'on redéfinisse là vraiment si on veut aller loin avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Autre question avant que je passe aux questions du frère Bégué. Bégué, maintenant. Oui, frère Lee. Oui. La question, c'est quand est-ce qu'on fait pour réussir? Parce que j'ai entendu tout ce que tu as dit, et puis c'est un peu mon désir, c'est vraiment méditer la parole, c'est vraiment me connecter à Dieu. Oui. Mais chaque fois que je vais prier, c'est comme si c'est, comment dire, c'est pas la joie, tu vois un peu. Et puis parfois quand je vais prendre la parole, je vais regarder la télé, et puis quand je prends la parole pour lui, c'est le sommeil qui vient. Oui. Mais quand tu vois la télé, la sommeil ne vient pas lui. Non, ça ne vient pas. Bon, maintenant, je vais te raconter l'histoire d'un homme. Tu vas me dire quel est le problème de cet homme-ci, d'accord, ma soeur? D'accord. Il y avait un homme qui était venu à un hôpital. Il avait escalé qui va devant de sa porte. Il y avait un bout de fer qui était là-bas. Donc, c'est là où il avait cogné cela. Il a cogné là à l'hôpital. On a emballé cela. On a soigné. Ça lui faisait tellement mal. Mais ça commençait à finir. Un de ces jours, encore en sortant, il a encore cogné ce même hôtel-là. Et ça a étouffé. La blessure s'est encore renouvelée. Il est encore allé à l'hôpital. On dit, mais le docteur dit, l'autre jour, c'est fini. Il dit qu'il a cogné encore ça à la porte. Quel est le problème de cet homme, c'est ma soeur? Il n'a pas fait attention. Et il n'a pas enlevé le fer qui cognait la blessure. Je veux que toi-même, tu me réponds. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas enlevé le bout de fer qui avait cogné son pied la première fois. Il n'a pas résolu le problème. Il n'a pas résolu le problème. Donc, pour lui, c'était le fer. Toi, tu t'as passé la télévision. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu es exactement comme cet homme, n'est-ce pas? Ouais. Bonne soirée. Autre question, mes soeurs, autre question, mes frères. Allô? Oui, la soeur Christiane de Belgique. Oui, bonsoir et bien-aimé. Frère, ce que je t'ai écrit hier, là, je te rappelle par rapport à la situation que j'ai eue ici, là, quand j'étais en formation. Voilà. Mais qu'est-ce que les chrétiens doivent faire dans ce genre de situation? Voilà, je crois qu'il va falloir que tu... C'est une très bonne préoccupation là maintenant. Essaie d'expliquer audiblement ce que tu m'as écrit comme préoccupation. Allons-y. Quel est le vrai problème? Voilà, donc j'arrive quelque part et l'instructeur, c'est un homme qui s'est changé, qui a changé de sexe, qui s'est transformé en femme. Et tout le monde dans le service l'appelle par son nouveau prénom parce qu'il a changé, donc même dans sa carte d'identité, la personne a changé. C'était même plus ce qu'on appelle, je ne sais pas si on appelle ça maintenant transgenre, parce que c'est un nouveau, c'est genre, c'est la théorie du genre, je ne sais plus ce que c'est plus. Avant les transgressions, on disait, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui change carrément et qui, bon, voilà, il change même son identité, donc, c'est... Donc, il a dit s'appeler par exemple Monsieur Gabriel, maintenant, il veut qu'on l'appelle Madame Yannick. Oui, voilà, donc, dans le cas de Philippe, c'est quelqu'un qui s'appelle Lydia maintenant, et tout le monde l'appelle Lydia, tu vois. Moi, je dis, mais attends, moi, je vais dire quoi, là, moi, je vais dire quoi, Madame ou Monsieur? Dieu, c'est clair, je dois l'appeler monsieur parce que mon père l'a créé. Si tu l'appelles monsieur, il a été traduit au tribunal parce que tu l'as atteint à sa personnalité, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a ce que, par la grâce de Dieu, j'ai une seule journée, mais il se pourrait que dans 2 mois, je puisse partir là-bas pendant longtemps, tu oui, vois? Oui. Donc, j'ai pas été confrontée à ça, mais je me suis posé la question, mais attends, quand ça va arriver? C'est là où il faut prendre position, parce que je ne peux pas. Tu vois, je ne peux pas, et je me rends compte que c'est un truc qui va arriver très souvent aux chrétiens maintenant. Ça va arriver très souvent de devoir prendre position pour Dieu, pour ce que la société nous demande de faire, parce que ça va entraîner des problèmes, ça c'est sûr et certain. Mais je ne peux pas appeler la personne madame, je ne peux pas. Comment tu vas appeler un homme madame? Bon, ta préoccupation c'est quoi? Pose la préoccupation pour que les frères et sœurs qui sont en Europe eux-mêmes répondent. Excuse-moi, qu'est-ce que le chrétien doit faire dans ce genre de... Je crois que je connais déjà la réponse, mais quand même, frère, je vais quand même vous entendre encore, parce que la situation... Je suis chaud pour répondre même, chaud. Oui, tu es chaud, oui. Le fait, Rabbi, réponds-nous ça. C'est un homme, dis-lui qu'il est un homme, c'est un monsieur. Mais il dit ça, elle dit ça, on va l'enfermer, on va lui porter plainte. Qui est prêt parmi vous? Qui est prêt parmi vous à être fermé pour cela même 4 fois? Ça, Christiane. Oui. Ce sont des situations qui arrivent de plus en plus aux chrétiens dans ces services. Oui. Et ça fait que les chrétiens retournent à la maison sans avoir du travail. À cause de la compromission, moi, je suis rentrée à la maison. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas cherché de boulot et je suis restée là. Parce que c'est trop. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est trop. Donc, vous convenez avec moi que l'heure est arrivée, il faut tracer une ligne où on n'a pas franchi avec le monde. Dire un chrétien compromettant, vous allez vous compromettre ici. Et si vous avez commencé à vous compromettre à votre acte de naissance, acte de mariage, faux papier, vous allez vous compromettre partout. Qui parle en silence comme ça partout là-bas? Hein? Qui est prêt à subir toutes ces choses-là, tous ces opprobres là, même si on vous renvoie, même si vous en faites pour le nom de Dieu? Amen. Moi, je suis partant. Amen, amen, moi, frère. On aime notre père. Amen, amen. On aime notre père. C'est quand même, tu sais, avec le père, maintenant, allez, oui. Oui, il faut remettre ton sort à l'Éternel et tu prends tes responsabilités. Quant à ce qu'ils vont te donner la contravention, ça sera le tribunal et ça sera comme ça, c'est tout. On va soutenir, on ira où tu feras. Amen. Allô? Oui, allô. Est-ce que vous me suivez? Oui. On te suit. Oui, on voulait intervenir par rapport à la sœur qui a parlé de l'homme qui s'est formé, maintenant se fait appeler Lydia. Oui. Oui. Et on dit, si la sœur n'avait pas connu cet homme avant, ne connaissait pas son histoire et voit l'homme et voit Lydia pour la première fois, quelle identité que tu donnerais à Lydia? Madame. Moi, en toute sincérité, quand j'ai vu la personne, j'ai vu une femme, tu vois. C'est vrai qu'il y a des... Bon, c'était une voix un peu masculinisée, mais nous, les femmes, moi aussi, j'ai une grosse voix, donc je ne peux pas dire ça. Donc, j'ai vu quelqu'un qui était... C'était une femme, quoi. C'était une femme, frêle comme une femme, c'était une femme. Et c'est une collègue qui m'a dit, tu sais que, voilà, c'était l'homme, machin, il s'est fait comme ça, et voilà. La sœur Christine, écoute bien ce que la sœur Jacqueline a dit, elle pose une question claire. Oui, voilà c'est ça. Tu es dans une condition, là maintenant tu connais cette personne-là. C'est-à-dire que tu connais au moins que c'était un homme qui s'est transformé en femme. Et là, elle veut relever le fait que, supposons que ça eût été une personne que tu ne connais pas et que c'est une, et tu l'appelles tout naturellement madame. C'est ça, n'est-ce pas, la sœur Jacqueline? Oui, moi je pense que le père dit que si j'ai pas connaissance, c'est pas un péché. Du moment que je sais pas, si j'ai vu quelqu'un en route, je dis madame, et quelle a l'air de madame, je suis pas en train de pécher. Mais à partir du moment où j'ai la connaissance de l'état de la personne, là je suis déjà impliqué, donc je dois prendre position. Exactement. Je peux pas... De la même façon, comme l'apôtre Paul a dit que vous pouvez manger n'importe quoi, ça vous enquérez à rien. Mais si on dit que ceci a été sacrifié aux idoles, vous devez faire attention par motif de conscience. Vous voyez, donc c'est pour eux que vous achetez une viande qui est sacrifiée aux idoles sans vous en rendre compte. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est ça que je vais dire. Mais je vais aussi dire que je n'appellerai pas quelqu'un Stéphane s'il me dit que à partir d'aujourd'hui, on m'appelle Lydia. Et son identité, elle a une identité. Elle a dit alors je l'appellerai, moi je l'appellerai Lydia. Et je ne pense pas que je me compromettrai en l'appelant Lydia. La sœur Lydie, la sœur Jackie. La sœur Jackie. La sœur Jackie, oui. Le changement d'identité, le nom, c'est un droit, on peut le faire. Le changement de sexe, est-ce que c'est un droit naturel? C'est un droit ou c'est un péché? C'est un péché. Un péché, c'est clair. Si on part du principe que notre Père a tout fait parfaitement, ça veut dire qu'on remet en cause, le Seigneur. Et en l'appelant... Je suis au niveau de son nom, elle a changé de nom, elle dit maintenant je m'appelle Lydia. Pourquoi est-ce que moi je vais l'appeler, je ne sais pas moi, Stéphane ou bien ma sœur, alors qu'elle me dit je m'appelle Lydia. Non, pas elle, pas il. Nous sommes, laissons le nom, les prénoms. Vous appelez quoi, les surnoms, je ne sais pas comment, le pronom. Il, c'était d'abord un il. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui était d'abord un il, elle? Toi, la sœur Jackie. Elle. Oui. C'est Jacques qui a suivi. Laissons le nom Gédéon ou bien Bégueni ou bien Étienne. Le problème, c'est qu'on est entre il et elle. Tu l'appellerais un il qui est devenu un elle. C'est ce que je dis que c'est de droit. Si le il devient elle, et il me dit que c'est de droit, elle. Tu vas à elle. Si tu dis que de il, tu vas aller à elle. Non, c'est bon. Non, elle a les raisons qu'elle a envie d'avancer. Il faut dire ce qu'elle a envie de dire. Elle dit qu'elle dirait il. Si elle, c'est il qui est passé à elle, ça ne. C'est que si je connais une personne qui a changé d'identité, oui. Bah, et t'appelles comme ça, je ne peux pas changer. Je peux, qu'on ne la connaît pas, personne. Je ne peux pas faire comme si je ne la connaissais pas. Tu vois un peu. Oui. Je ne peux pas faire comme si je ne la connaissais pas. Et quand tu es en face d'un inconnu, quand tu es en face d'un inconnu, et que tu t'appelles comme ça, tu le connais pas, tu connais pas son histoire. Oui. Ce que tu connais, tu prends position. C'est aussi simple que ça. Oui. Amen. Parce qu'on doit prendre position aussi. Si je connais quelqu'un, il me dit qu'il allait faire des trucs, et puis, oui, alors, c'est pareil. Quelqu'un qui s'est marié et que je connais, et après, il laisse sa femme, il va prendre une autre femme, n'est-ce pas? Oui. Et moi, quand je veux parler avec ta femme, ce ne sera pas la nouvelle femme qu'il a, ce sera la femme qu'il a avant. Voilà. Et là, si on a fait la nouvelle donnée qu'il a donnée, on ne participe pas, nous pas, ceux qui l'ont donné s'aventurer. Si je donne le participe, mais plutôt dénoncer. C'est-à-dire qu'on doit dénoncer à tous les niveaux, peu importe ce qu'on va souffrir. Parce que c'est la vie du Christ. On doit accepter de subir ce châtiment-là. En prenant position. Oui. Et je crois que sur position, le Seigneur nous soutient. Amen. Et frère Étienne, la sœur, cette position qu'elle a prise là, si ça implique au niveau du tribunal, au point où elle est traduite au tribunal, est-ce qu'elle a la bonne position en disant non, même pour n'importe quoi? Tu prends position. Quand tu acceptes les conséquences. Quand Esther a pris position pour aller rencontrer le roi, alors qu'il y avait une loi. Oui. Elle se dit que je meurs, elle est partie. Absolument. Si je meurs. En fait, c'est ça. L'enfant ne doit plus avoir de perdre sa vie. La vie ne doit plus t'appartenir en tant que telle. Tu dois vivre plus, accepter de subir tout ce qui te permet d'être juste. De la même manière aujourd'hui en Europe, il y a des sujets qu'on ne peut pas annoncer. Il y a des sujets parfois, certains prédicateurs évitent. Comme l'homosexualité. L'homosexualité, oui. Voilà. Pour condamner cette homosexualité-là. Si tu as tué, après on va venir te prendre en prison, tu acceptes la prison, mais tu parles de ça. Ça délivre, ça va prendre des gens libres. Amen. Parfois, les enfants de Dieu tombent dans ce piège, même déjà pour l'éducation des enfants. Ils tombent dans ce piège, et puis après, les enfants même se disperser, ils ne savent pas trop. Mais pourquoi? Parce qu'on a éloigné l'attention. Parce que tu es dans l'enfant et puis tu as des problèmes, tu peux aussi. Tu n'arrives pas à appeler l'enfant selon la volonté de Dieu. Oh Seigneur, la sœur Suzanne, ton, ton, ce que tu as branché là pour écouter, ça crée le problème. Il y a un retour chez toi, c'est un c'est la masse. Il y a masse. Pardon. Ouais. Je crois que la préoccupation de la sœur Christiane est une très bonne chose pour nous tous, pour tous ceux qui sont dans le monde occidental, le monde nouveau, si, n'est-ce pas? Il va falloir que, et c'est l'exhortation de ce soir, qu'il y a une ligne qu'on doit pas franchir. Donc il faut qu'on s'arme déjà de courage pour pouvoir commencer à avancer et tracer une ligne maintenant de démarcation entre nous et le monde. Les choses qu'on ne doit plus faire et être radical là-dessus. Amen. Donc nous devons être des chrétiens. Amen. Amen. Amen. Nous n'avons pas des esprits. Oui. Amen. C'est vrai qu'avec ça, je me suis rendu compte qu'on va vraiment vers un temps où, sincèrement, il n'y aura plus de demi-mesure. C'est soit on va d'un côté ou de l'autre. Il n'y aura plus de. Non, non, non. On ne peut plus faire autrement. Alors, de bien mesurer si vous aimez le Seigneur, lâcher à un moment donné. Ça commence là-bas. Si vous aimez le Seigneur, vous gardez ses commandements. Il a dit dans Jean chapitre 16, verset 2, il dit que l'heure vient même où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Ils vous excluront de leur synagogue. Mais c'est tant terrible parce que, si vous permettez, j'ai une anecdote encore, c'est que l'autre jour, j'étais sur le réseau social, des gens, des amis, ils étaient en train de faire une sorte de avec le policier qui est mort en France, là. Oui. Tout le monde était en train de dire oui, on aurait dû adopter un enfant avec son conjoint qui était des homosexuels, tu vois. Le policier était homosexuel. Oui, c'était un homosexuel, mais j'étais tellement irritée. Tu le sais, sœur, hein. J'étais tellement irritée que j'ai dit, mais attends, je ne veux pas dire autrement que non, cet homme n'est pas du bon côté. Oui, mais je crois que si ma mémoire est bonne, il y a également un candidat à l'élection présidentielle qui est aussi homosexuel, si ma mémoire est bonne. C'est entre guillemets, bon, il est marié, c'est entre guillemets, ça c'est ce qu'on dit. Mais c'est que le policier qui est décédé, lui, il était homosexuel, donc son conjoint est venu. Mais frère, c'est terrible ce qui est en train de se passer, que nos enfants observent. Et moi, j'ai dit aux gens, c'est pas qu'il n'ira, son âme ne reposera pas en paix, son âme ne repose pas en paix en ce moment. S'il ne s'est pas repenti, il n'est pas du bon côté. Donc, mais tout le monde s'est retourné contre moi, dit oui, mais pour une chrétienne, comment tu peux dire des choses comme ça, machin. On va dire que tu es en train de juger. Que tu es en train de juger. Tu es qui pour juger? Oui, c'est ce qu'on a dit, mais bon, bien évidemment, c'est pas grave. Mais j'ai dit, il faut un moment qu'on dise la vérité aux gens. On peut plus faire semblant de dire que oui, oh bon, c'est vous savez. J'ai dit non, son âme ne repose pas en paix. Arrêtez de croire ça. S'il ne s'est pas repenti à la seconde avant de mourir, là, il n'est pas du bon côté. Il n'est pas donc tu penses qu'avant que la balle ne vienne sur lui, il dit Seigneur Jésus, pardonne-moi, avant que la balle ne t'atteigne. C'est vrai, mais bon, c'est une façon de dire, qu'il n'y est pas, parce qu'on sait bien, comme tu dis, il ne peut pas se repentir deux secondes avant. Oui. Sauf si vraiment c'est une grâce exceptionnelle que tu fais. Mais c'est pas possible. Jésus, s'il ne t'est pas repenti, il n'est pas du bon côté. Le frère Jean-Marie, pourquoi tu écoutes ça? Tu écoutes ça vraiment comme un journaliste de la CIA TV qui écoute pour poser des questions pièges. Frère Jean-Marie. Frère Jean-Marie, tu es avec nous? Ça devient terrible. Oui, est-ce que tout ce qu'on a de voir, est-ce que la soeur Christiane de dire là, vous vivez vraiment ça du côté de la Suisse aussi? Ou bien c'est partout en Europe déjà? Ouais, c'est partout en Europe. Alors c'est grave. En Allemagne aussi, la soeur Flavie? Oui, c'est grave. Dans presque chaque société, là, ils sont là au moins 10%. Moi-même, je suis avec un homosexuel et ils aiment bien venir quiner les femmes. Oui. Donc, mais quand ils font comme ça, qu'est-ce que tu leur dis? Tu ne parles pas de Jésus, tu fais comme si tu n'es même pas chrétien. Je ne donne même pas l'occasion de parler de Jésus. Tu ne dois même pas parler de la religion là-bas. Peut-être hors cadre, mais on ne se voit pas en dehors du travail. Oui. Et il aime bien les États-Unis. Il est allé aux États-Unis juste chercher un homme. Frère Junior. Oui. Dans d'autres sociétés, avant de signer le contrat, il est pratiquement interdit de parler de religion. Dans le travail. Oui. Donc tu ne peux même pas prêcher même Jésus au travail. Donc ils font tout pour que dans les clauses de ton contrat, tu signes que tu ne dois pas parler de Jésus. C'est pas interdit, mais ils disent qu'il est interdit de débattre les religions. Oui. Les sujets. Souvent on ne t'interdit même pas, mais on te dit carrément qu'on ne doit pas parler religion au cercle du travail. Parce qu'on sait que nous sommes tous mixtes. Oui. Et qu'on ne doit même pas parler de l'homosexualité ou quoi que ce soit. Donc c'est impossible. C'est partout. Je ne peux pas dire qu'il y a une société où il n'y a pas l'homosexuel. Vous, c'est partout, c'est vous convenez avec moi que notre monde est prêt pour le feu, n'est-ce pas? Prêt. La Bible déclare donc qu'elle ne doit pas être dans la sainteté de notre conduite au milieu de cette génération-ci. Donc, voyant donc toutes ces choses, on devait davantage sérieux. Lorsque c'est pourri comme ça, ici chez nous, au Cameroun par exemple, c'est en profondeur déjà. Mais comme la loi ne le permet pas, ils n'osent pas s'exposer. Mais c'est dans les profondeurs, c'est pourri. On essaie de dire là que dans notre société, notre mentalité ne permet pas. Mais c'est pourri. Parce que Christ a dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe va venir. Les hommes ne peuvent pas marcher comme souvent au Cameroun. Là, tu marches, peut-être tu as ton frère ou tenez la main. On sait déjà que c'est ton conjoint. Oui. Donc, ça. Et c'est certainement, ils s'embrassent même en public, même. Oui, ils s'embrassent. Une fois, j'ai vu ça dans un métro, mais j'étais avec mes enfants. Frère, que Dieu m'excuse, c'est pas possible que je supporte ça. J'ai vu ça dans un métro, je pouvais pas me tenir. Je me suis levé, j'ai dit non, vous arrêtez maintenant. Là. Bon. Vous arrêtez, moi j'ai des enfants, vous arrêtez. Ils ont dit quoi? Mais Dieu m'a accompagné, moi je pense qu'il y a un frère. Oui. C'est juste qu'il faut qu'on ait le courage de dire. Parce que quand tu leur dis, même leur conscience à ce moment-là, oui, les saisit. Tu vois qu'ils étaient. Ils se sont sentis tout d'un coup honteux et ils ont arrêté. Attends, mais frère, où sont les frères là qui disent qu'ils veulent prêcher l'évangile? Ils sont où là déjà? Vous prêchez seulement dans les chambres, allez dans les métros, allez dire arrêtez cela. Lévitique 19 vous dit ceci, allez, vous allez savoir, on va vous balancer par dehors. Moi je pense que quand ces choses arrivent, je ne dis pas franchement, parce que tellement irrité que tu fais sans t'en rendre. Ne vous inquiétez pas, on arrive. On va mettre un petit feu sur vous, vous allez sortir, vous restez à la maison. J'arrive. On va mettre le feu, on va allumer les allumettes sur vous. Le froid que vous avez en vous va sortir. Frère, regardez, si on n'agit pas comme ça, on a des enfants. Oui. J'ai mes enfants, je marche avec mes enfants dans le métro. Qu'est-ce que je vais venir enseigner après à mes enfants avec la vie? Ils vont me dire, mais maman, tantôt, il y a quelqu'un qui a fait, tu n'as rien dit. Ça veut dire que tu cautionnes. La théorie déjà installée dans les écoles, comment vous allez faire de cela? Les cours là sont obligatoires. Qu'est-ce que vous faites? Moi, à l'école, j'ai dit à mes enfants, au professeur de dans mon cœur est pur et fier. ce sont divers m'affirment que je suis à Jésus-Christ. Ô Jésus, ta main puissante,